KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Il est où le roux? Il m'a encore baisé, j'ai essayé de voir le PSG. Oh non, c'est abusé, franchement, il va encore revenir bourré. Ouais, enfin ce soir, je crois surtout qu'il va revenir congelé. Oui, ouais, il va surtout revenir déçu. Si Jack Bauer devait écouter une seule émission de radio pendant 24 heures alors qu'il sauve trois fois le monde, deux fois sa fille, et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Michael et sa bande de terroristes. Michael, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. Et on est là effectivement tous les soirs, alors faut quand même que je vous explique comment le roux a réussi à me baiser, parce qu'il faut le dire. Et bien comme il faut. Ah hein. Mais là, même Sandro m'a chauffé tout à l'heure, il m'a dit mais dis non, mais j'avais déjà dit oui. Donc, mais pourquoi t'as dit oui? Alors je vous explique. Hier soir, on était dans l'émission, on parlait de Paris vite fait. Il dit alors demain il y a le match à 19h, ça dérange pas si je viens plus tôt pour bosser sur l'émission, comme ça je pars à 19 et je reviens vers 20h45, 21h. Je dis non si tu veux, je m'en fous, pas de problème. Bon, je vais dormir, ce matin je me réveille, je regarde les infos à gauche à droite et je vois que Paris joue à 9h. Donc j'envoie un SMS à Roux. Je lui dis c'est dommage, Paris joue à 9h. Il m'appelle, ce qu'il ne fait jamais. Hein, que d'habitude, il répond 4 jours après ou il attend qu'on se voit. Il m'appelle, il me dit ouais. Donc il nique un peu de son forfait. Hein. Ouais, déjà voilà. Il me dit ouais, écoute. Ouais, j'ai vu aussi que c'était 21h, putain, c'est relou. Je dis bah ouais, c'est con, hein. Et il me dit ouais, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte là ce matin, là. Mytho, il s'en est rendu compte hier soir. Ouais, je m'en suis rendu. Je suis en train de crever. Je m'en suis rendu compte là. Mais j'ai déjà acheté le billet. Je dis bah ouais, alors. Bah, si tu veux. Je peux aller demain quoi, juste avant l'émission, pour essayer de le revendre et tout devant la porte. Bon, quoi qu'il arrive, je serai là en retard et tout, hein, donc et comme il n'est pas échangeable, j'allais chez ta mère, j'y vais voir ton match pourri là. C'est abusé, franchement c'est dégueulasse de faire ça. Bah demain moi j'ai acheté des billets de concert. Pour quel concert? C'est à 21h. C'est quoi le concert? Pour Chantal Goya. Ça c'est m'étonnerait ça. Ouais, mais alors d'accord, mais alors, concert, tu viens plus tôt. Ouais, je vais venir plus tôt. Ouais, je repartirai ça. Vers 18h. C'est ça. Bon, le roux qui nous a bien baisé, mais c'est pas grave. Ouais, non, il t'a baisé, ouais, pas nous, parce que baisé. Nous on aurait jamais dit oui. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il m'a appelé pour que je t'engraine si tu disais non. Quel enculé. Mais pourquoi tu laisses faire comme ça? Ah bah c'est fini maintenant. Mais terminé. Tu dis ça tout le temps. En fait, ça non, fait 5 ans qu'il te nique et que tu dis tout le temps ouais, la prochaine. Terminé. Moi quand je veux faire un truc, je dois batailler. Oh, putain, arrête devant le poisson là. C'est dégueulasse. C'est pas très très grave non plus, si je peux me permettre. Si, c'est grave, attends. En nous vrai, nous on fait jamais rien, nous, billet, on est, hein. Nous on est toujours là quoi. Et en plus ça reste le chouchou quand même, c'est abusé. Je vais le défoncer tout à l'heure. En plus je lui dis bon bah c'est pas grave, allez je te laisse aller au foot, tu me payes à bouffer ce midi. Non mais en fait si je me suis levé tôt c'est parce que j'avais déjà des trucs, donc désolé. Quel quand même enfoiré hein, ça race. Et c'est un connard ou c'est ah ouais, un ouais, connard. Ouais. Ah ouais mais je te confirme, hein. Enfin bon. Bon, ce soir on aura le petit ciné des Mexicains. Mais oui. Tout ce que j'espère, désolé pour les fans de Paris, mais c'est que le PSG perde. Juste pour le faire chier. Juste pour le faire chier. Donc ce soir, petit ciné des Mexicains, bien évidemment nous parlerons d'Avatar qui est sorti ce matin, enfin cette nuit. Ouais. Puisque c'était les avant-premières hein, du film Avatar, le film le plus cher du monde. Et juste en France, hein, il sort vendredi dans le reste du monde. Ah fort, bon bah et très ça, bien. Franchement ça vaut le coup hein. Ça vaut le coup. Moi c'est j'ai vrai du mal avec vu, les films, mais celui-là j'ai vraiment kiffé. Ouais, elle comprend pas toujours avec des films. Non, mais général, ça me saoule, ça hein. Me fatigue et vraiment ouais. Il est bien. Quoi. Surtout là on l'a vu en 3D. Ouais, donc, pas, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Si vous pouvez le voir, allez le voir en 3D parce que. Ouais, tant qu'à faire, si possible. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Bon bref, comme ça vous le savez, on avait reçu d'ailleurs lundi, on avait enregistré l'émission avec, enfin, partie d'émission avec Sigourney Weaver et Samuel Worthington, les deux acteurs principaux d'Avatar. Il y a les photos d'ailleurs qui sont abattées sur mikael.fm. Ce soir également, on en avait parlé en fin d'émission. Confessions intimes. Ah. Oui, avec ce grand dossier, je préfère les camions à ma femme. Ouais, il y avait ça et il y a aussi je me trouve belle et alors. Ah ouais, putain. Ouais, je me trouve belle et alors. Ouais, c'est celle qu'on avait, c'est ce qu'on avait suivi un petit peu hier pendant la fin d'émission. Bon, on en fait, a hein. Un très très bon résumé. Ouais, voilà, on a un petit best-of, pas un petit best-of, mais un petit son de... Non. Non, mais par, non, contre, ah bon. Par contre, on a un petit d'accord. Son d'un couple marseillais qui est au taquet. Non plus, non. Comment ça, non, non. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, bah plus vite Pablo, enfin c'est incroyable ça d'être aussi lent. Oh là là là là là là. Et puis on vous rediffusera aussi le service après-bourg des politiques et on sait enfin pourquoi il n'y a pas de Starac cette année. Nico est en train de collaborer avec certains membres du gouvernement. Oula, carrément. Voilà, je n'en dis pas plus, mais on vous en dira plus tout à l'heure. C'est pour ça en fait que Nico s'est super crevé. Exactement, ouais. Bon, et puis les matchs qui viennent de finir, Bordeaux a gagné 1-0, Marseille 2-1, Monaco 1-0, Lyon 2-0, Nancy 2-0, Le Mans 1-0, Grenoble à nouveau perdu, hein, donc évidemment. Ouais. Et puis le PSG qui joue maintenant face à Lens, on suit bien évidemment tout ça et en live. Il y a de l'Europa League aussi avec notamment Toulouse qui peut se qualifier ou pas face au club belge de Bruges. Exactement. Donc Bruges peut se qualifier pour l'instant. C'est soit Bruges, soit Toulouse. Voilà. Bon, enfin, ils sont qualifiés s'ils gagnent évidemment. Bon, répondeur maintenant 01 40 71 3400. Écoutez les messages, on va choisir le meilleur et on le récompensera par un cadeau. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Joli ventre. Suzanne, la bosse a flashé sur le nouvel animateur. Non. Donnez-lui toute la soirée. Mais Michael, donnez-lui toute la soirée. Ah, on vous attendait. Venez, votre jingle. Mais j'ai qu'une émission de heure qui dure 3 minutes. Nous voici pour 3 heures de polo show comme tous les jours. Nouveau polo. Soyez remarquable. Fin du message. Message suivant. Oui, c'est Vivi, j'ai fait un message à Michael. Ça va pas du tout. Il a fait une interview stockée au hôtel. Mais ça va pas. Il prend les gens pour des cons. Michael, tu prends les gens pour des cons. Tu poses pas les bonnes questions. Donc rappelle-moi, tu réponds pas à mes messages. Ça va pas du tout, Michael. Ça va pas du tout. Fin du message. Message suivant. Coucou Mike. Ben, je m'appelle Fanny et tout. Et en fait, tu es ça. Super et tout, je change à rien. Par contre, on était un peu moins de pub, mais j'aurais pu quand même finir des rubriques en construction. Fin du message. Message suivant. Je voudrais juste faire passer un message à un immense artiste qui mérite de lourdes récompenses. Il fait de la radio de minuit 12 à minuit 15. Un petit choix, je sais pas si vous voyez qui c'est. Attention, 3, 4. Je t'aime mon polo, et fort, fort. Je peux pas rester sans toi, mon amour. Parce que tu sais que je t'aime très fort. Mais pourquoi tu fais ça? Le polo chaud, pourquoi t'as fait ça? Tu nous as fait blesser. Polo, tu sors avec Paul, tu m'en dis pas ça. Tu sors avec nouvel amour de toi. C'est pas pourquoi tu as fait nous ça. Laisse-nous dormir, Polo. Fin des nouveaux messages. Ah, voilà, franchement, on peut gagner le dernier. Hein. Le dernier, Soit lui, soit. Oui, Michael, ça va pas. Mais bon, faut expliquer, que... c'est une auditrice qui nous appelle souvent. Bah d'ailleurs elle est au standard là. Oui c'est vrai. Ah oui bah forcément ouais. C'est vrai. Non on fait gagner le dernier sur pourquoi tu fais ça. Pourquoi qu'on avait reçu hier d'ailleurs par téléphone en direct d'Algérie en interview exclusive. Alison. Pourquoi tu fais ça. Mon bébé pourquoi tu fais ça. Tu m'as blessé trop. Voilà, donc c'était Chris. Tu m'as dit pas ça. Elle a eu un trouille donc Sandro alors à l'instant, c'est bizarre. Oui parce que je regarde le match en même temps. Ouais bah oui oui. Zéro bien partout. Sûr. Bruges Toulouse et puis Paris aussi d'ailleurs, zéro partout face à Lens. Bon donc voilà, Walid qui on a eu hier d'ailleurs en interview en live depuis l'Algérie. Michael, le podcast. On rappelle les faits donc avec Morano. Eh ben c'est pour toi Sandro. Rappelle-nous les faits dont Morano, on a parlé hier. Donc c'est Morano. Une chanteuse. Non. Un peu enveloppée, hein, faut le dire. Ouais, une brune, elle a une super pas Morane, voix. Pas Morane, Morano, l'histoire Morano, Morano, l'affaire Morano. Alors, c'est. On a c'est un groupe qui... de rap, en non, fait, mais... hein, qui avait fait une chanson qui est super mal passée. Mais non, c'est une meuf dans la politique, mais on sait finalement ce qu'elle fait ou pas c'est, dans la politique. Oui, on l'avait dit hier. On l'a ouais, dit hier aussi, qui s'en rappelle. Moi, je m'en souviens, moi. Alors, vas-y, dis-nous. Mm-hmm. Donc, c'est une meuf qui est dans la politique. C'est la présidente d'un parti. Secrétaire d'État. Voilà, c'est pareil. Non, bah non. C'est presque pareil. À la famille, c'est ça. C'est ça. Et enfin, c'est une meuf qui a été placée pour se blinder. Oh. Les poches, bien sûr. Et elle a balancé une connerie avant-hier. Ouais. Ou hier, je sais plus. En gros, elle alors, a enfin, dit. Tu sais rien, quoi. C'est... Si je sais, attends. Elle a dit les musulmans français, j'aimerais qu'ils travaillent, qu'ils mettent leur casquette à l'endroit et qu'ils arrêtent de parler verlan. Bien. On peut vérifier ou pas. C'est un peu. Non. Ah, on peut pas. C'est à peu près ça. Mais donc du coup, ça nous avait donné bien évidemment l'idée service après bourde des politiques. Exactement, Sandro. La prochaine fois, je suis à fond dans mon sujet. J'irai au match avec l'Euro la prochaine fois. Ce sera parfait, ça. Non, jamais de la vie, non. Service après bourde des politiques, donc. Et écoutez, justement, heureusement qu'il existe ce service. Hein. Ouais, bah, ils en ont bien besoin en ce moment. Avec le nombre de conneries qu'ils font les politiques, là, si tu veux, c'est un peu la merde. Écoutez. Service après bourde des politiques. Service après bourde des politiques, bonjour. Oui, bonjour, c'est Nadine Morano au téléphone. Ah oui, bah, je m'attendais à votre appel. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, j'ai sous-entendu que les musulmans parlaient tous en verlan et portaient tous des casquettes à l'envers. Ah oui, c'est idiot. Du coup, je fais quoi moi pour me rattraper? Bah dites que les juifs portent tous des blouses de médecins ou des costumes de banquiers. Hein? Ah oui, bonne idée, super, merci. Putain, quelle est bête. Service après bourde des politiques, bonjour. Ah oui, vous devinerez jamais où je suis. Bah non, mais c'est qui? Je suis au Parlement européen à Strasbourg, je me fais chier, grave. En plus, je déteste la saucisse. Ah, c'est Rachida Dati. Vous savez qu'on vous entend, là? Oui, bon, c'est pas très grave. Sérieux, on s'est bien bien chier ici, hein. Je crois que je vais me prendre une télé TNT portable pour passer le temps. Y'a quoi ce soir à la télé? La France a un incroyable talent. Ouais. Encore un beau mensonge, quoi. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse. Je dois voter contre une loi débile pour le bien-être des gens, là. J'en ai pour 2 secondes. Je vous rappelle. Service après bourde des politiques, bonjour. Oui, allô, c'est re-moi, Nadine. Bon, c'est mal passé, la remarque sur les médecins et les banquiers, hein. Désolé. Bon, il reste une solution. Mettez une casquette à l'envers et faites une vidéo en playback où vous rappez en verlan sur du NTM. Génial. Je vais faire ça. Putain, mais elle est complètement jetée, elle. Service après bourde des politiques, bonjour. Bonjour, vous me reconnaissez? Bah non, vous êtes qui? Bleu, blanc, rouge. Je suis Éric Le Français. Bleu, blanc, rouge, Éric Le Français. J'aime mon pays, allez tous ensemble. Bleu, blanc, rouge, j'aime les avions. Bleu, blanc, rouge. Surtout quand ils s'en vont. Dites-moi, Eric, vous êtes fan d'aviation? Non, j'aime pas les Afghans, c'est tout. Bleu, blanc. Service après bourde des politiques, bonjour. Wesh, wesh, je représente pour la peu cri A. Toi aussi, refrais, vaccine, what? Hey, Maryse! Hey, je viens d'avoir Doudou Morano au téléphone. Hey, c'est vraiment pas mal ce qu'elle fait. Au revoir. Au revoir. Voilà donc le service après bourde des politiques, bien sûr, qu'on vous avait diffusé hier et puis que vous retrouvez bien sûr sur mikl.fm. Bon, et puis on a des nouvelles de Johnny Hallyday là. Il est sorti du merdier là. Hein. Du coma. Ah, il est sorti du coma, effectivement, ouais. Et j'ai envie de dire, la France peut effectivement enfin dormir tranquille sur ses deux oreilles, puisque donc Johnny s'est réveillé, quoi. Tu sais que sur Facebook, il y a un groupe qui s'est créé, je trouve ça dégueulasse, mais il y a plein de gens qui adhèrent à ce groupe-là. Ouais. C'est on vous envoie Johnny, rendez-nous Michael Jackson. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc toute la France peut crier son ouf de soulagement, ça y est, c'est fait. Hein. Alors apparemment, c'est Nikos qui l'aurait réveillé en l'appelant au téléphone dans le 6-9. Hein, mais non, il s'est réveillé tout seul comme un grand, et comme je suis plus fort que Nikos, je vous propose la première interview exclusive de l'idole des jeunes. Ouh, on a Johnny ce soir par téléphone. Salut Johnny. Salut Johnny, à toi aussi Michael. Alors ça y est Johnny, vous êtes enfin tiré d'affaire? Oui, ça y est, c'est fini l'interview, je peux raccrocher maintenant. Bah non, pas encore, on en a pas mal de questions là quand même pour vous ce soir là. Vous nous avez fait peur là, vous le savez quand même, hein? En tout cas, je sais pas vraiment ce que j'ai eu, hein. Je veux pas trop savoir, mais... Bon, alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, là, justement, là? Votre chirurgien, une affection, c'est quoi? On sait pas vraiment, Michael. En fait, a priori, ce serait une infection nasale cordiale. Une infection nasocanale. Infection nosocominale, c'est ça? Oui, c'est ce que je disais, Michael. Oui. On ne sait pas si c'est ça ou si c'est docteur Jojo qui va charcuter. Non, docteur Delajoux. Quoi, Majou? Qu'est-ce que la Majou? Non, je disais le docteur Delajoux. Bon, laissez tomber, c'est pas grave. Ouais. Bon, alors, votre tournée est annulée pour l'instant? Oui, c'est malheureux, mais quand même, parce que si tu veux, c'était ma dernière tournée, je ne peux pas la faire. Et pour Amel, c'est terriblement honteux de ne pas pouvoir faire une dernière tournée. Oui, on voit que votre sens de l'humour est en pleine forme. Hein. Mais alors, vous êtes belge alors, pas suisse? Non, je suis pas. Vous êtes pas quoi? Je suis pas. Oui, non, évidemment, vous êtes encore un petit peu choqué. Oui. C'est pas grave. Comment va votre couple, Johnny? Parce qu'on est inquiet pour vous et pour Laetitia. Hein. J'ai tout fait pour qu'elle me plaque. Oh, ah bon, je l'ai trompée. Je lui ai fait se taper la honte dans des pubs pour des lunettes. Et j'ai même fait semblant d'être mort. Mais elle s'accroche. Oh, comme une moule à son Ferrero Rocher. Ok. Mais bon, elle est quand même hot, Laetitia, quand même. Elle est bien, quoi, non? C'est vrai, Michael, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'elle a des qualités comme le port de mon pénis entier. Oui, enfin bon, ça nous regarde pas votre vie sexuelle, Johnny, là. C'est votre vie privée après tout. Hein. Oui. Tiens, à propos, ça vous a fait du bien d'avoir le soutien de vos amis, Nico, Jean-Paul Camus, Christian Audigier. Christian qui? Audigier, le styliste. Je connais pas. Ah, bon, ben, au moins c'est clair. Hein. Vers qui? Ouais, bon, on va pas vous fatiguer de trop, hein, Johnny, ça a été rude, là, les derniers jours. Hein. Ça y est, c'est fini l'interview, là, je peux raccrocher maintenant. Bah, si vous avez un petit peu de temps, on voudrait bien vous garder avec nous pour parler foot, par exemple. Hein. Vous pensez quoi de la qualification des Bleus sur une tricherie? Vous savez, Michael, ça va inspirer une chanson. Ça donne « Henri, libre dans sa tête ». Ouais, mais vous l'avez déjà faite, celle-là, c'est Diego, libre dans sa tête. Eh ben écoute, je fais du recyclage, moi aussi. C'est le sommet de Copacabana en ce moment, vous savez. Oui. Oh, c'est important l'écologie. Ah, vous êtes sensible aux problèmes de pollution? Oui, surtout la nuit. J'ai pas mal de pollution. Quand je me lève, je colle au matelas, c'est désagréable. Bon, écoutez, Johnny, vous êtes encore sous le choc, je pense. Hein. Oui. On va pas vous retenir plus longtemps. Merci d'avoir été avec nous. Rétablissez vous vite, surtout. Hein. Et puis, on a hâte de vous revoir sur scène. Hein. J'aime pas le bateau. Non, j'ai pas dit sur... non, j'ai dit sur scène, pas sur la scène. Ah, ok. C'est bon, je peux raccrocher maintenant? Oui, Michael. oui, Johnny, c'est bon. Merci encore d'avoir été avec nous, et puis encore une fois, rétablissez-vous vite, hein. T'inquiète pas de soucis, demain, je reprends le sport. Le sport? Vous allez faire quoi comme sport? Vous savez, je pense qu'on a tous quelque chose en nous, le tennistique. Ok, bon, bah, évitez juste Gasquet hein, comme partenaire, hein, c'est pas bon pour votre convalescence. Hein. Allez, salut, Johnny. Ouais, ciao Johnny, à toi aussi, hein. Ouais, allez, au revoir Johnny. Bon, il a l'air bien, hein. Ah, c'est normal, il est sous médicaments. Ouais, il est encore un peu sous sédatif, hein. Non, franchement, il a l'air en forme, hein. Ouais. Alors, ouais. Franchement, ça va, quoi. Je m'attendais à pire, hein. Donc, c'est vrai. Non, vraiment, ça va. Y a pas de séquelles. Bon, on va jouer au jeu, les amis, dans quelques instants. Ne bougez pas de là, bien entendu, comme tous les soirs. Si vous voulez vous inscrire, vous faites le 6-11-12. Débutez votre message, bien sûr, par énergie, comme d'hab. Et puis, vous mettez ami, tout simplement, avec votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone. Et puis, restez bien là aussi, puisque les 1000 euros vont tomber tout à l'heure avant la fin de l'émission. Donc, restez bien à l'écoute. Michael, le podcast. Bon, on va jouer maintenant avec Jessica au jeu des amis. Allô, Jess. Salut Michael, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, on va plutôt bien, ça va, tranquille. Bon, on va jouer au jeu des amis. Ouais. Okay. Très bien, Jess, 21 ans de Brest, donc on va appeler qui? Alison. Ah oui, Alison, bien évidemment. Merde, je sais plus, j'ai perdu mon Alison. Est-ce qu'on a besoin d'une précision? Oui, Walid. Je peux pas changer ma vie, Alison. Voilà, donc on va appeler Alison dans quelques instants. Hein. Ouais. Mon bébé. Juste avant, je voudrais quand même savoir à qui on a affaire. Combien mesures-tu? Ah, moi? Bah oui. 1m55. Combien pèses-tu? 48. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui, c'est un petit coup, bien bon. Ferme. C'est parfait. On peut jouer, tu vas gagner, tu vas voir. Ouais, bah c'est pas sûr ça encore. Hein. Bon, on va jouer maintenant, Jessica, on appelle Alison. C'est parti. Enfin Alison, parce que si je t'appelle et que je dis Alison, il y a... Ah, il va vous croquer. Je pense qu'elle va pas aimer. Peut-être pas moi, mais Toff, en tout cas, il a l'air. Hein, ouais. Il a l'air opérationnel pour ça. Non, je vais juste... Allô Alison? Oui. Salut Alison, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Oui. Ça va, hein? Oui, ben oui, ça va. Bon, Alison, je t'appelle pour le jeu des amis avec Jessica qui est dans le standard avec nous. Tu connais Jessica? Oui. Non, pas du tout. Non, non, ok, d'accord. Nous avons affaire à quelqu'un qui finira sa carrière sur Rire et Chanson. Et ça, c'est beau. Par contre, moi, je voulais juste vérifier la règle qui dit qu'une bonne est toujours accompagnée d'une moche. Oh, tu casses les couilles, toi, putain, t'as Alison, quoi. Alison, combien mesures-tu? 1m69. Combien pèses-tu? 58. Quel est ton tour de poitrine? 85B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Eh bien, ta règle s'applique 38. 38. Ah ouais, non, ça s'applique pas. Ça s'applique pas, hein. C'est quoi, peut-être une des deux qui a une sale gueule, hein, papa. C'est quoi ta règle? C'est quoi ta règle, Tof? C'est une bonne et toujours accompagnée d'une moche. Elle est où ta copine, Sandra? Ça dépend, elle est censée être moche ou bonne? Ah bah bonne. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh ouais, ouais, mais bon, c'est facile. Ma copine, elle est au parc. Voilà. Ah, c'est la rousse? Oui, c'est la bonne. Ah, putain, donc. Bah comme quoi, ça marche pas non plus, puisqu'il y a deux moches là. Merci. Merde. Bon, quel Jessica. C'est épuisant. Oh, ça va, t'as action. Il est méchant en plus, on le soutient et tout. Oui. C'est 5 ans qu'on se le tape et il est méchant comme ça. Non, mais non, attends, tu fous de ma gueule ou quoi? C'est l'inverse plutôt, ouais. Ouais. C'est... Aussi, c'est l'inverse marche aussi. Bah, elle marche très bien même. Bon, Jessica, Alison, on va jouer maintenant. Je vais vous poser 10 questions, enfin surtout à Alison. Je te pose 10 questions à propos de Jessica. Si tu réponds bien à au moins 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. Okay. D'accord ? Ouais, ouais. Bon, ici, tu sais pas, tu peux passer, c'est à ce moment-là considéré comme une mauvaise réponse. Et il faut répondre du tac au tac, ok ? D'accord. Allez, attention, c'est parti. Quel est le prénom de Sarum ? Thérèse. Thérèse, effectivement, bonne réponse. Ouais. À quoi est-ce qu'elle est allergique? Pollen. C'est tout? Acarien, peut-être, ouais. Non, pollen et chat, malheureusement. Ça. Ouais, c'est 10 points, mais là, c'était pas la bonne réponse. Comme moi. Eh oui, bah, comme moi aussi. Quel est son style de musique préféré? Pop rock. Oui, pop rock, bonne réponse. Pas comme moi. J'avais bien une pub à faire, là, mais je peux pas. Qui est la personne qu'elle déteste le plus? Je sais pas. Audrey. Ouais. Comme moi. Sur quelle star internationale est-ce qu'elle est en kiff? Il est moche. Robert Pattinson. Effectivement. Oh. C'était un indice. Quelle partie de son corps est la plus poilue? Oui, l'entrejambe, je valide. Mais alors Jessica, j'avais pas osé. Oui, c'est ce qu'elle a répondu. Bah ouais, Jessica. Oui. Pourquoi tu t'épiles pas? Je comprends pas. Non, mais c'est. Enfin, je suis pas poilue, mais. C'est la logique des choses, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Mais ça pend ou ça pend pas? Ah non, ça pend pas, non. Mais est-ce qu'on peut faire des tresses? Non. Ah, elle dit ça, c'est si on laisse tout pousser, quoi. Plus poilu, voilà, ça sera l'entrejambe, forcément. D'accord, ok. Bon, enfin, il y en a d'autres, ce sera les fesses. Oui, c'est vrai. On continue. Quel est son plus grand fantasme? Se taper Robert. Pattinson, oui, bien évidemment. Oui. Ouais, t'es vraiment t'as mauvais goût, hein, Jessica, je m'excuse, mais. Oh non, il est beau. Non, il était bon, mais il n'est pas beau. Mais c'est vrai, tu vois que j'ai toutes mes chances. Oui, ah, ça c'est sûr. Quoique t'as moins d'oseille. Quelle partie de son corps, du corps, l'attire le plus chez un homme? Les fesses. Oui, son cul, effectivement. Quel est le nom de son premier mec? Patrice, bonne réponse. Et enfin, à quel âge a-t-il eu sa première relation sexuelle? Bah, on n'a pas eu. Bah oui, mais comment ça se fait? T'es du matériel neuf à 21 ans, Jessica? Bah, je sais pas. Bah écoute, alors... il serait temps qu'on se rencontre, merde. Non, parce que ouais, tant qu'à si faire. Tu veux, ouais. Non, Jessica, tant qu'à faire, autant que t'aies un bon souvenir et que tu couches avec quelqu'un qui est talentueux et puis surtout qui va pas te prendre pour une merde. Oui, quelqu'un qui sera amoureux de toi. Je crois qu'il y a Michel Standard qui est sur la liste aussi. Parce que franchement, si je puis me permettre, Jessica, coucher avec Tof, c'est te résumer à un Kleenex. Ouais. Bah, qu'il va jeter quand il se sera essuyé la table. En même temps, c'est juste pour se faire décapsuler. C'est tellement vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Hein, tu vois, j'ai même pas inventé. Hein. Mais on nous croit pas quand on le dit alors. Bah oui, on passe pour des méchants. Exactement. Alors, c'est gagné. Oui, c'est vrai. Pardon, effectivement, je vais zapper ce détail. Eh ben, c'est gagné les filles. Woo Jessica et Alison. Je vous repasse Micha au standard. Oui, Alison, je sais, mais c'est parce qu'on fait la vanne avec Walid. Tu connais pas cette chanson sur toi, Alison? C'est ça. Allez les filles, chantez. Je peux pas sortir avec. Allez, fille, on vous entend pas. Parce que je t'aime très fort. Allez, je chante les. Allez, deuxième. Allez, les filles. Cœur sans amour, jardin sans fleurs. Je connais ça. Avant hier. Et tu m'as dit. J'ai Allez, sans. Non, mais ça va être un carton, hein, je vous le dis direct. Et tout le monde connaît ça par cœur. Ça va être un carton. Eh, hey, Micha, où en sont les MP3 de Walid? MP3 de Walid. J'ai demandé qu'il m'envoie avec un bon son. Ouais, mais ça vient d'Algérie, hein. Oui, enfin, internet, si tu veux, ça reste pareil, hein. Oui, sinon tu peux envoyer Polo, aller les chercher. Rappelle-le et demande qu'il renvoie les MP3, là, direct. Oui, d'accord. Ouais, non, mais direct. Bon, Jessica et Alison, c'est gagné pour vous deux, les filles. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous aussi. Allez, à bientôt. Ciao à vous. Et puis, si vous voulez vous inscrire, bien sûr, au jeu des amis, n'hésitez pas à vous inscrire. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez ami avec votre numéro de téléphone. Opa, que drève, les gars, tout en bien. Voilà, c'est du portugais. Mickaël, le podcast. Bon, tout à l'heure, on vous parlait de la petite bourde, enfin la petite. commence à prendre de l'ampleur. Ce compte est une belle bourre. Voilà, de Nadine Morano, donc, qui a résumé les musulmans de France à des jeunes qui parlent le verlan et qui portent des casquettes à l'envers. Ouais, bon, suite à ce petit dérapage, elle avait dû faire appel au service après-bourre des politiques. Oui, tout à fait. Donc on a écouté ça hier et tout à l'heure. Mais Canal n'est pas la seule chaîne qui commence à s'intéresser à ces dérapages racistes d'hommes politiques comme Hortefeux, Besson ou encore Morano. Figurez-vous que la première chaîne de France, TF1 donc, est très intéressée par le concept. Ouh. Et elle a même déjà enregistré un pilote d'émission. Ce sera pour un prime time. Et donc, comme on connaît bien Nikos, évidemment, hein, on a pu se procurer les enregistrements et écouter ce qui pourrait arriver sur vos écrans en 2010. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette Raciste Académie. On accueille notre premier candidat, Brice Hortefeux. Alors Brice, pour remporter la Raciste Académie, vous allez nous interpréter un grand classique de votre répertoire. Allez-y. Les Arabes, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Bravo! Je connaissais la version avec les Auvergnats, mais c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci maintenant d'accueillir notre deuxième candidate, Nadine Morano, qui revient sur le devant de la scène avec du neuf. C'est à vous, Nadine. Non mais moi, ce que j'attends d'un jeune musulman, c'est qu'il se sente français quand il est français, qu'il trouve un travail, qu'il ne parle pas en verlan et qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers. Oh là là là là, ça risque d'être serré, les loups. Voyons la suite. C'est le moment que tout le monde attend. Voici le maître en la matière. Ça fait maintenant 7 ans de suite qu'il remporte les 100 000 expulsions. Merci de faire un triomphe à Jean-Marie Le Pen. Alors Jean-Marie, qu'allez-vous trouver cette fois pour être encore plus raciste que les autres années? Allez-y. Bonsoir, pape. Je suis Jean-Marie Le Pen. Bravo! C'est sûrement le meilleur argument de la soirée. Alors, avant d'avoir le résultat des votes, on va prendre la tendance du jury. Un juré de qualité ce soir, car il est composé d'Éric Besson et Dieudonné, mesdames et messieurs. Dieudonné, un avis sur les candidats de ce soir? Ouais, bof, ça manque un peu de van antisémite. Ok, Lou Desbois, Éric Besson, vous, qu'en pensez-vous? Je vous avoue que je suis un peu déçu, j'aurais préféré être candidat. Avec tout ce que j'ai fait cette année, il me semble que je le mérite. Oui, sauf que vous n'êtes pas impartial, monsieur Besson. Je vous rappelle que vous êtes né à Marrakech. Oh. Non, mais ça, c'est pas de ma faute. Parfait. Voyons maintenant les votes. Le gagnant de cette 8e édition de Raciste Academy n'est autre que... c'est une surprise ce soir. Vous êtes tous à égalité. Mais c'est quoi cet huissier, n'est-ce pas? C'est du travail d'arabe. S'il vous plaît, Jean-Marie, les votes sont clôturés. Ça ne sert plus à rien d'influencer les gens. Avec tous les bronzés que je renvoie dans leur pays, j'aurai le droit à... Vous êtes juré, Éric Besson, pas candidat, je vous le rappelle. Égalité, égalité. Je vous rappelle que les embrouilles avec le groupe de rap Sniper, il y a quelques années, c'était moi déjà. Oui, Nadine Morano, mais c'est terminé. Remercions toutes les équipes de la Raciste Academy. Excusez-moi. Oui, quoi? Qu'est-ce que vous voulez, Brissant? Dites-moi, Nikos, c'est pas très français, ça. Voilà qui résume bien cette nouvelle édition de la Raciste Academy. Personne ne s'est détaché, mais reconnaissons que cette année, vous êtes tous allés très loin. Oh là là, le drame. Eh ouais. La Raciste Academy. Non mais t'imagines, ça arrive jusque-là? Ouais, c'est possible hein, au bout d'un moment. Bah, oh là là là là là. Oui, c'est possible, mais enfin ça peut être un drame quand même. N'empêche, je me demande s'ils font pas vraiment un concours, c'est Morano, Hortefeux, Besson. à celui qui dira le truc le plus horrible et ça passe. Ouais, mais je crois qu'ils se rendent pas compte au moment où ça sort et ils s'en rendent compte 20 secondes après. Et après, ils sont obligés de dire ouais, mais j'assume. Ouais, j'assume, mais oui, mais quel est le problème? Mais oui, je parlais des Auvergnats. Il y a que Jean-Marie qui assume tout. Hein. Oui, mais lui, c'est pas pareil. Il est très fin dans ce. Comment hein. Mais oui. Alors, je l'imite mal, hein. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est un drame. Je pense qu'il y a personne que tu imites bien. si, comment ça encore, l'animateur du soir là sur Énergie, tu le fais bien. Ouais, ouais, tu fais bien celui de la radio d'en face d'ailleurs aussi. Qui ça? Hein? Et qui? Bah celui qui est en face. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a qu'un seul. Ouais, j'ai oublié. Bon, on va se mettre Britney Spears tout à l'heure avec Tree et puis. Parlons de confessions intimes. Ah, je pense bonsoir qu'il est temps. Et merci de votre fidélité à confessions intimes. C'est un plaisir à chaque fois. Mais c'est toujours un plaisir, surtout comme hier quand elle avait un petit truc qui remontait, c'était pas mal. Hein. Alors je suis super déçu parce qu'en fait elle est toujours cadrée juste au-dessus de ses hanches, donc on n'a pas la possibilité de profiter de son cul quand elle change de caméra. Ouais, ça, mais dommage. Après on sait pas, c'est peut-être prévu pour. Hein. Ah peut-être, elle a peut-être un gros cul en fait. Bah peut-être, et du coup forcément elle préfère qu'on le voit pas. C'est ouais. Possible aussi. Hein. Bon alors confessions intimes, on sait qu'il s'est passé pas mal de choses. Ouais, il s'est passé pas mal de choses et donc dans les candidats, on peut pas dire candidats, enfin dans les gens qu'il y avait dans cette émission, donc dans les retenues de cette semaine, donc il y avait une championne du monde et qui pour une fois n'est pas du Nord, enfin quoique hein, puisqu'elle était quand même luxembourgeoise. Bah alors c'est le Nord. Ouais, enfin c'est déjà le Nord mais plus à l'est quoi. Non mais non, j'ai compris, mais ça reste le Nord. Ouais, ça reste le Nord. Voilà, grossièrement dit quoi. C'est comme Bordeaux ou Marseille, c'est le Sud. Hein. Ils vont gueuler, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est comme Bordeaux, c'est le Sud-Ouest quoi. Donc là, c'est le Nord-Est. Donc elle s'appelle Jessica, elle a 19 ans. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Hein, non, Jessica est une fille qui a une certaine estime d'elle-même. Je suis jolie, je le sais, je le dis. Enfin voilà, si y a quelqu'un qui me complimente, je vais pas faire « Oh non, c'est pas vrai, merci, non. » Ah ouais, donc reste là. Ouais, donc en fait, on a bien compris qu'elle se prend pas pour de la merde. Non. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'elle répond du coup aux gens qui lui font des compliments? Je sais pas... Oh, tu me saoules, j'entends partout. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, ça va suffire, je le sais là maintenant. Eh ben écoute, t'es pas loin, hein, puisque elle répond ça. Je suis jolie, je le sais, je le dis. Enfin voilà, si y a quelqu'un qui me complimente, je vais pas faire Oh non, c'est pas vrai, merci. Non. Enfin, je dis merci. Je souris, je fais merci, c'est gentil, je sais. Ouais. Donc voilà, donc là on a bien compris que Jessica se prend pour une bombe alors que bon elle est plutôt oui pas... la question c'est est-ce que c'est une bombe. Non en fait non, elle a... alors, par rapport non en fait elle est pas terrible, elle est basique, elle est basique. Voilà. C'est ça en fait, c'est en fait elle a la gueule des meufs que je peux me taper un soir de déprime quoi. Déprime de qui? De la meuf ou de toi? Elle est mieux. Oh, vite fait quand même. Donc en fait il faut savoir donc que Jessica hein, donc s'est fait refaire les seins à 16 ans. Oui. Et depuis 14 ans elle porte des faux ongles et qu'elle a fait son premier tatouage à 12 ans. À 12 ans, c'est dingue. Et que tout ça bien sûr a été payé par maman puisqu'elle était mineure et qu'elle n'avait pas d'argent. Bien entendu. Ah oui pardon, j'ai oublié un tout petit détail, un truc insignifiant. En fait elle vient d'avoir un enfant, mais. Hein? Ah bon? Oui, elle vient d'avoir un enfant, mais à 19 ans, hein, c'est maman qui s'en occupe quand elle va faire des photos de cul ou bien qu'elle sort habillée comme une puce. C'est dingue, putain, je savais pas ça. Ouais. Parce que en fait, tout le monde ne la mate pas parce qu'elle est bonne. Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'elle est habillée comme une chienne. Alors, je vais juste prendre un exemple concret. Hein. Sandro, donc tout le monde se souvient quand elle est venue avec son. Je crois qu'elle avait dit que Sandro, donc t'étais habillée comme une chienne. Hein, non, tu veux dire. Justement, je veux bien montrer l'exemple entre les deux. Donc Sandro était venu avec son bustier en cuir, son corset en cuir, mais qu'elle avait mis avec un chemisier par dessous et un pantalon hyper classe. Ouais. Et eh ben Jessica pas du tout. Non, elle met le corset sans rien. Donc en fait elle a juste le corset. Attends, mais c'est bien mais aussi hein. Je veux pas dédouaner un peu, le corset je vais le mettre en soirée sans la chemise aussi hein. D'accord, mais tu nous invites alors. Mais je mettrai pas sur la mini-jupe qui va alors, avec, c'est non, ça que alors, tu veux non, dire. Alors elle a fait mieux que ça, elle n'a pas mis deux mini-jupes, elle a mis un pantalon en latex. Avec bien sûr des cuissardes, histoire de bien relever le tout. Bien sûr. Donc tu m'étonnes que tous les mecs soient en chien autour d'elle hein, forcément. Même les putes de luxe, elles sont pas habillées aussi provoques. Et donc, en fait, elle est vulgaire quoi. Ouais, elle est vulgose, elle est complètement vulgaire. En fait, c'est ça qui fait que les gens la regardent. Et alors quand il y a une copine à elle qui lui demande ce qu'elle pense d'elle-même, eh bien Jessica a une réponse simple. Qu'est-ce que tu penses de toi exactement en fait? C'est, je sais pas, c'est imparfaite. Comment parfaite? Physiquement ou je sais pas. Oui, physiquement. Bah, je vais pas dire mentalement parce que bon, il y a toujours des gens plus intelligents que moi, comme Einstein et tout. Enfin, bon, j'ai comme un gros Einstein, cri, mais peut-être pas à ce point. Non mais comme Einstein, tu vois, elle prend pas un mec, tu sais, ouais, ouais. Comme des mecs, c'est j'en sais rien, moi, des je sais pas, n'importe quel pilote d'avion, tu vois, faut quand même l'avoir dans la tête. Ouais, voilà. Non, Einstein. Einstein, ouais. Elle se compare direct. Qui ça Einstein. comme ça qu'elle dit. Hein. Ah oui, mais je peux le contraire. Ouais, en fait, donc en gros, oui, elle a un gros cul, mais par contre, le QI, c'est loin d'être gagné. Oui, hein. elle a pas le I, évidemment. Ouais. Alors, mais elle ne s'arrête pas là, Jessica, non, parce que, donc, en plus de s'habiller comme une pute, eh bien, c'est aussi une pute avec ses copines. Et moi, par exemple, tu me trouves jolie? Bah ouais, t'as un certain charme. Mais pas plus jolie que toi. Enfin, je me trouve plus jolie que toi. Allez, bam. C'est dingue, même ses copines, elle défonce. Pour le coup, je l'ai vu sa copine et effectivement, elle est pas maquillée, mais sa copine maquillée sera plus belle qu'elle, ouais, c'est sûr. Je crois qu'à mon avis, pour le tournage, pour le tournage, ils lui ont demandé de pas se maquiller. C'est improbable. En fait, dans le reportage, la copine, elle explique que justement, elle fait pas super attention, qu'elle se maquille pas super bien, et au final, qu'elle s'en fout. Mais donc, ce qui est énorme avec Jessica, c'est que elle s'en branle de ce qu'elle vient de dire à sa copine. En fait, hein, elle vient de la défoncer. Sa seule et unique amie. Ah oui, tu m'étonnes si elle les défonce toutes comme ça. Franchement, elle a du courage là-bas. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que donc depuis qu'elle est petite, en fait, elle n'a pas d'amis. Sa mère est obligée de la retirer de l'école parce qu'en fait, elle s'entendait plus avec personne. Et donc, il reste une personne, c'est cette amie qu'on vient d'entendre. Eh bien, et Jessica, ça ne la dérange pas de l'avoir défoncée. Elle en est même très fière. Bah, je comprends que ça puisse choquer certaines personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment super humbles. Bah, moi non. Voilà. Donc en fait, on avait bien compris, Jessica. Moi, hein, l'assume. C'est vrai, voilà. Ouais, moi, l'assume, ça va. Mais c'était peut-être pas la peine d'enfoncer le clou comme ça. Hein. C'est enfin, dingue. Sauf si elle veut prendre des baffes. Hein, parce qu'en fait, moi, à la fin du reportage, j'avais qu'une envie, c'est de lui dire mais ferme ta gueule et suce. Ouais, bon, à la limite, ouais. Je me suis peut-être un peu emporté. Un petit peu, ouais. Bon, juste avant de finir, on va faire un petit résumé quand même de ce que Jessica aime chez elle. Ouais. Moi, ce que j'aime bien chez moi, c'est ma gueule d'ange, mon incroyable plastique. Et à votre avis, quel est le dernier point qu'elle aime chez elle? Parce que c'est pas fini. Son QI? Non. Ses doigts de pied? Non. Ses seins? Non. Ses aisselles? Sa bouche? Mais non, enfin, les gars. Moi, ce que j'aime bien chez moi, c'est ma gueule d'ange, mon incroyable plastique, mais surtout mon incroyable modestie. Elle est ouf. Non, mais voilà. En plus, elle est gonflée. Hein. Ouais, elle fait c'est des balles. Elle est gonflée. Balles. Ouais, donc, elle en rigole, je pense. Ouais. Bah, j'espère. Hein. Au final, bah, c'est mieux. Ouais. Ouais, donc, on va rester quand même sur cette bonne vanne de Jessica. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas tout. J'ai encore du très très lourd pour très bien. Bon. Avec un couple qui s'aime d'un amour sincère et profond. Oh là là. Ça va, toi, madame Lacalle, madame Bapuska, t'as pas combien? Si ça fonctionne, ce que j'ai entrepris quoi? De me casser les couilles. Voilà, ils s'aiment, ils sont beaux, vous verrez ça tout à l'heure. C'est beau le mariage. Ah, c'est ça, c'est beau l'amour. Surtout après 20 ans. Ils sont pas mariés, ils viennent de se rencontrer, c'est ça qui est important. Ah non, oh putain, c'est encore pire. J'aime bien le beau le mariage, surtout après 20 ans. Bah non, ils viennent de se rencontrer. Mickaël, le podcast. Bon, on va reparler de confessions intimes. Bah écoute, avec plaisir, donc on va parler. Puisqu'on est dedans, on a parlé tout bonsoir à l'heure de notre ami. Et merci de votre fidélité à Confessions Intimes. Ah, bah en tout cas, bonsoir, de rien, parce que nous on est bien fidèles hein, à Confessions Intimes. Donc on a parlé tout à l'heure de la demoiselle hein, Jessica de Luxembourg hein. Voilà, qui s'est fait refaire les seins, qui fait de la manicure depuis 14 ans, ouais, et qui s'est fait tatouer à 12 ans quand même, et qui surtout est la plus relou de la terre quoi. Mais en fait ouais, ça doit être insupportable. D'ailleurs, je comprends pas le mec qui a réussi à la baiser pour lui faire un gosse hein. C'est peut-être un accident, on sait pas hein. En plus c'est que t'es gonflé de dire ça toi-même, ça hein. Se trouve il est de toi. Non ouais, bah, on n'est pas que la meuf elle est tellement relou que tu sais, le nombre de fois où elle se serait regardée dans le miroir, je pense que ça m'aurait saoulé. C'est vrai que c'est relou ça, les gens qui se regardent tout le temps. Je pense que à la rigueur, juste pour le kiff, je l'aurais baisé devant le miroir pour me tirer après. Bim. Oh. Mais puisqu'on est dans les relations, on parlait camions là, non? Non, pas encore. Merde. Non, les camions c'est pour tout à l'heure. Ah bon? Non, c'est donc là on est dans notre magnifique couple, hein, donc ouais, qui encore une fois ne sont pas du Nord. Et non, je sais pas si le filon s'est épuisé, mais bah, c'est surtout que tu sais, il y a eu tellement de blabla comme quoi tout était pipoté, que c'est toujours dans le Nord ou en Belgique. Que, si tu veux, à mon avis, ils ont dû bouger un peu, quoi. Ouais, peut-être. Et donc du coup, en fait, là, leur reportage se passe dans le Sud, et donc nous avons Alain et Véronique, deux vrais amoureux, comme on n'en fait plus. Donc la preuve, Alain qui d'ailleurs doit aller chercher donc sa bien-aimée à la gare, mais avant il est parti jouer aux cartes donc avec ses potes, et du coup il se souvient plus bien de quand il faut aller chercher sa bien-aimée. Ah là tu vas être en retard hein. Dans ma super gare. C'est comme les zinc, tu vas te faire jeter comme d'habitude. À quelle heure arrive? 5 je m'en rappelle pas. Je sais même pas quelle heure arrive. Ah, il a vers 6h30. 6h30. Mais elle est pas dans le bagne? Non. Vous jouez au 4 ou vous parlez de ma gosse? Ah ouais, excusez-moi. Et donc je sais pas si vous avez bien senti tout l'amour d'Alain pour sa femme et l'inquiétude qu'il a de pas savoir l'heure à laquelle elle vient le chercher. 18h par là quoi. Ouais. C'est les potes qui s'inquiètent plus. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait les potes ils ont pas bataillé beaucoup hein, pour la meuf, tu vas la chercher et tout. Ah, mais en fait c'est surtout pour pas trop énerver Alain, puisqu'en fait Alain est un ancien boxeur. Ah bah oui. Ah, ouais, et comme il a le coup droit facile, du coup ils ont pas essayé de batailler. Et donc d'ailleurs Alain il va retourner voir son coach de boxe, et là en fait il y a une meuf qui est en train de s'entraîner dans la salle de sport. Et donc Alain se sent obligé d'expliquer à son coach sa façon de penser sur l'égalité homme-femme. Regarde Karine, qu'est-ce qu'elle fait. Regarde Karine, si elle n'est pas égale de l'homme. Regarde là, attends, regarde. Elle est égale de l'homme ou non? Viens, voilà. Et pendant qu'elle est là, ouais. Le rose beef, là, il est en train de cuire la maison. C'est pas elle, elle a 18 ans, c'est pas le rose beef. Quand elle aura 25 ans, c'est ses parents. Quand elle aura 25 ans, elle se marie avec lui, par exemple. Il va rentrer, le frigo, il est vide. Donc voilà, donc on sent enfin un vrai homme, un vrai mâle qui sait parler aux femmes. Surtout que tous les professionnels de la cuisine le diront, les hommes ont plus de facilité en cuisine que les femmes. Paraît-il. Donc, au fourneau les gars. Mais ils sont moins nombreux. Hein. Avec plaisir. C'est vrai. Et donc là, donc on va avoir la vraie preuve que Alain sait parler aux femmes. On est ensemble, mais on est dans du vent, dans la fête, dans ci, dans là. J'ai plus d'appartement, j'ai pas de domicile, donc, parce que je suis toujours pas déclarée avec toi. Je vis dans le vent. Alors, je veux bien vivre dans le vent un certain c'était temps. Pas encore au mais point. Il faut. C'était pas quand même. À un moment c'était donné, pas encore au point. Ta fille, tu m'as dit. Donc. Tu n'auras pas d'animaux, Coco. Donc, tu n'auras pas d'animaux. Comme tu veux. Bon, je suis garanti, tu n'auras pas d'animaux. Donc. En fait, on a dû leur dire que l'important dans un couple, c'était de parler. Hein, juste à espérer qu'ils finissent par comprendre que c'est pas en même temps qu'il faut parler. Très bien. Mais bon. Donc, quand Véronique donc, finit par pouvoir enfin en placer une et lui dire que lui, Alain, ne s'implique pas assez dans leur relation, eh bien, il a tout de suite un mot gentil pour la rassurer. Tu voulais bien avoir une femme à la maison, mais qui soit pas vraiment ta femme, qui soit pas vraiment impliquée avec toi. Alors, si tu veux un sac à main, tu t'achètes un sac à main. Je ne suis pas un sac à main. Sac à merde alors. Oh, quel bâtard. Eh oui. Un sac à merde alors. Ouais. Du coup, Véronique, elle en peut plus et donc elle décide de lui dire ce qu'elle a sur le cœur. Tu es un sauvage et il n'y a pas à tortiller, t'es un sauvage et un abruti. Il n'y a pas moyen de te faire entendre le son. Parce que j'ai raison. Tu veux jouer les machos, mais tu vas jouer les machos, mais tu vas jouer les machos tout seul. Voilà. Tu finiras comme un vieux con. Et bon. On dirait qu'elle parle à un gamin. Elle va pisser. Mais elle devrait se barrer, hein. Ah ouais, franchement, elle devrait. C'est lui qui va courir après. Ah ouais, clairement. Ouais. Moi, je veux pas être méchant avec Véronique, mais je crois que c'est déjà fait. Hein. Il est déjà vieux con. Ouais, ça, c'est mais vrai aussi. La discussion entre nos doux Roméo et Juliette ne s'arrête pas là. Elle finit enfin par lui poser la question qui tue. Et là encore, Alain a tout de suite les paroles qu'il faut pour la réconforter et lui montrer tout son amour. Je suis jolie, je le sais. C'est pas ça, Jack. Pas de non, c'est pas celui-là. Parce que là, on était retourné sur Jessica, donc. Oui, c'est chez l'autre. Ah, et celle de tout à l'heure avec les faux seins qui étaient dans Confessions Intimes hier soir. Bouge pas. Ouais, tu as le bon. Je suis jolie, je le sais. Ah non, il marche pas, dis donc. Il marche pas. Si, il va marcher dans deux secondes si tu meubles à ma place. Si tu veux, y a pas de problème. Juste pour expliquer, donc la rencontre d'Alain et Véronique, hein, puisque j'ai deux secondes maintenant avec Jack. En fait, Alain était avec une meuf depuis, je sais plus, 15 ans qui a fini par le jeter. Mmh. Ouais. Et donc, du coup, il y a eu le coup de foudre avec Véronique. Quel bol. Donc Véronique, elle est tombée sur le bon directement quoi. Véronique qui habitait genre à 300 km de Marseille, mais ils se sont rencontrés à Marseille et tout. Et donc tout de suite c'est l'amour fou. Et donc là, qu'est-ce qu'ils décident de se mettre ensemble, sauf qu'au bout de 3 mois, Véronique s'est barrée parce qu'elle en avait plein le cul. Tu m'étonnes, non mais c'est normal. Et donc, pareil. Ce qui se passe, c'est que Véronique revient en fait pour un week-end de 3 jours. Et en fait, ils se sont donné 3 jours pour retrouver l'amour. Et donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui se passe pendant les 3 jours d'amour qu'ils essayent de se donner. Je te confirme. Et donc là on revient à cette discussion où il réconforte sa femme. Ouais, voilà, en fait donc elle lui pose la question qui tue et lui il lui répond avec tout son amour. Moi, j'ai pas de mon temps. Je vois pas ce que tu es en train de dire. Allez, je prends le premier clochard qui passe, là, tout compris, hein. Non. Mais ça va, toi, madame Lacalé, madame Bapuska, alors, pas combien. Si ça fonctionne, que si, ce que j'ai entrepris quoi? De me casser les couilles. et donc c'est au bout d'une heure de discussion, parce que ça dure une heure, mais Dieu merci, ils n'ont pas tout mis dans le reportage. Alain en a plein le cul et donc il décide de mettre fin à la conversation comme un homme, un vrai. Tu arrives tout seul comme un grand à te mettre dans la merde. Et puis, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Demain, tu prends tes bagages, tu prends tout ce qu'il faut, je te ramène à la gare. et tu te casses. Et voilà. Je joue aux cartes, merde. Ah, c'est beau, c'est chaleureux. Fête. Et donc, heureusement, parce que c'est quand même confession intime et qu'il faut une happy end, la psy arrive. La psy qui est bien bandante d'ailleurs, mais enfin, c'est un détail personnel. Et donc, comme dans tout bon film américain, eh bien, les petits lutins arrivent et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, enfin bon. Enfin, j'espère pas trop d'enfants quand même parce c'est qu'ils ça. Vont souffrir. C'est ça, mais donc, ça finit bien. Pour combien de temps, on ne sait pas. Il faudrait repasser dans un an, je pense. Ouais, ça finit bien à la fin du reportage. Bon, bah, très bien, parfait. On reparlera de confessions intimes tout à l'heure avec les camions. Mickaël, le podcast. Ouais. On va se faire péter. Super. Le petit ciné de Los Mexicanos. Et je sais que vous l'attendez tous depuis longtemps. Ah, celui-là, ouais. Une semaine, en fait. Hein. De quoi, la fin du ciné? Non. Bah, non. Ce nouveau petit ciné est digne de grosses productions hollywoodiennes. Oui, parce que ce soir, c'est Avatar. Exact. Exactement. Alors, un petit ciné en 3D. Ah, c'est un ciné en 3D? Ouais. Il a été validé par James Cameron lui-même. Ouais, c'est ça. Donc c'est au-delà de la stéréo, quoi. C'est... Non, c'était James Cameron, par contre. avec un peu moins de budget. Voilà, donc c'est au-delà de la stéréo, quoi. Ah, mais c'est pas que c'est au-delà de la stéréo, c'est que c'est au-delà. J'aime pas ce rire. Ouais, j'aime pas non plus. Par contre, t'aimes bien la bouffe. Hein, ça, j'adore c'est... ça. Ça, c'est bon, ouais, le chocolat, ça bouffe, c'est bon, ça tombe. Hein. Bah, c'est les fêtes qui arrivent, on commence elle à se mettre prépare. Dans le bain. Hein. Ouais. Je prépare mon corps à... C'est ça. À ça. Plus je vois ça, plus j'ai envie que mon sexe soit un brownie. Non. Oh, c'est ouais. Je peux savoir comment elle met en bouche le gâteau. Ah ouais, c'est ça. En fait, elle fait une pipe au brownie. Mais arrêtez de dire des conneries. Mais déjà qu'elle faisait une pipe à sa brosse à dents hier. Ah mais Sandro qui mange, c'est hyper sensuel. Hein. Et là, elle mange et elle est contente. Hein. Oh là là, et elle met dans sa bouche et puis avec la langue, elle met à gauche. Là, vous allez voir si c'est sensuel. À la cuillère. Eh bien, je paye. Si on se le tartine, tu le manges quand même. Eh bien, je m'engage à mettre du Nutella sur attention, mon attention. Quoi? Je te connais, toi, je sais que tu n'as pas de limite. Ah non, mais il limite étoffe là. Mais je suis d'accord. Bah, Toff, il en met sur sa bite et tu ah bah, bien là. Sûr, à faire bah, un buzz. Oui, faisons ça. Bah ouais, ça fera bah, un oui, buzz. Tiens, va chez l'épicier, on va acheter du Nutella tout de suite. Chiche. Oui, et puis on va mettre la webcam. Y a pas, il est fermé. Ah merde, bon, oh, trouver, mince, allez, alors, merde. Pour Sandro qui fait une pipe en direct, je peux trouver un Nutella qui est ouvert, un magasin qui est ouvert et qui vend du Nutella. On peut avoir des problèmes pour ça. De quoi? Faire la pipe? Ouais. En direct. Bah non, pourquoi? Dans une émission. Bah non, le roux il a bien branlé Toff. Non mais c'est vrai, le roux il a bien mis dans le fion de Toff. Oui, mais on nous a jamais balancé, c'est pour ça qu'on a pas eu de problème. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de balances qui traînent pour l'instant. Hein. Ouais, c'est vrai. Faire attention. C'est vrai. Le bon, petit on s'éloigne. On s'éloigne. Ouais, on s'éloigne. En même temps, je fais ce que je veux. Si on a envie de parler des brownies pendant encore un quart d'heure, on fait ça. Alors vas-y, tu peux nous citer la liste des ingrédients. Sandro, on va la voir en 3D bientôt si elle continue avec ses brownies. Hein. Ouais, ça va être la 3D, la full 3D même. Bon, allez, je mange pas le dernier, tiens. Cadeau. Hop, je passe à mon voisin. C'est ça. Oh là là, comment ils volent. Bon, allez, petit ciné des Mexicains qui parle donc d'Avatar, film que nous avions vu il y a deux semaines en avant en première, en 3D bien évidemment. Et puis bah pour ceux qui sont pas encore au courant que Avatar est sorti, pour ceux qui vivent sur une autre dimension, dans une autre dimension, sur une autre planète. Bah c'est le même cas dans Avatar. Et oui, aussi d'ailleurs effectivement, petit ciné spécial. Avatar, exactement. Pour réponse à toutes les personnes qui demandaient comment Mickaël avait fait pour... Réponse donc à toutes les personnes qui se demandaient comment Mickaël avait fait pour interviewer Sigourney Weaver et Sam Worthington. Worthington, exactement. Bonjour et bienvenue dans ce petit ciné des Mexicains. Et une fois n'est pas coutume, Pedro, cette fois, on a vu le film dont on va parler. Eh oui, pour la toute première fois de l'histoire du petit ciné des Mexicains, nous avons été invités à l'avant-première mondiale du film. C'est Avatar. Ouais. Du coup, on va vous raconter comment s'est déroulé cette avant-première. Voilà, on va parler un petit peu de nous. Hein. Après tout, c'est le petit ciné des Mexicains. Pas le petit ciné de James Cameron. Alors tout commence avec Toff et Mickaël, hein, qui décident de ne pas recevoir les acteurs du film, ni d'aller voir l'avant-première parce que ça ne leur parle pas. Hein. Voilà. Donc le roux tente de les convaincre en leur disant que c'est le film de l'année 2009, celui que tout le monde attend. Finalement, comme ils sont très influençables, ils cèdent. Et, ouais. et on a rendez-vous à 10h du matin sur les champs pour voir le film en avant-première. Donc déjà, on fait la gueule grave parce qu'il faut se lever méga tôt un vendredi. Ouais. Pourquoi je parle comme ça, moi? Méga tôt, c'est des termes que j'emploie jamais d'habitude. Non, mais en parlant de méga tôt, tu peux me passer en passer un, justement? Méga tôt. Non. En plus, on a bossé jusqu'à 3h du matin la veille. Et surtout, c'est absolument pas du tout notre cam niveau cinéma. Hein, de la science-fiction foireuse sur fond de bons sentiments, c'est bon. Quoi. Mais bon, bête et discipliné, on est d'accord pour y aller. mais avec les pieds un peu lourds quand même. Surtout quand on apprend que le film dure 2h46 et qu'il sera projeté en version originale non sous-titrée. Du coup, 8h on se lève, on se brûle la langue avec le café, on se douche pas parce que déjà la bourre, on entre dans la voiture gelée et hop, direction les Champs-Élysées, 10 km de route. Sauf que 10 km à Paris à 9h du matin, ça prend 1h30. Voilà, résultat, on cavale sur la plus belle avenue du monde, on trouve le cinéma et là... On voit Roux, Jack, Michael et Sandra sur le trottoir. Enfin, Sandra, on avait l'habitude de la voir sur le trottoir, mais pour les autres... Victime d'une tofferie ! Encore une fois, cet idiot ne leur a pas donné la bonne adresse. Et ouais, 4 coups de téléphone à Toff et 10 minutes plus tard, on se rend compte qu'il suffisait de traverser la rue. On entre dans le cinéma et d'entrée de jeu, on nous tend un papier dans lequel on doit mettre nos noms, nos prénoms, adresse, employeur, numéro de sécurité sociale, religion, dernier repas, prénom de la mère, profession du père, souscription à une assurance vie, orientation sexuelle, copie d'un RIB, 3 bulletins de salaire, dernière feuille d'imposition, levez la main droite et dites-le jure. Et là tu te demandes si tu viens voir un film ou pas. Même toi tu te demandes si t'avais pas prévu inconsciemment de tuer le président Obama. Surtout que deux pas plus loin, t'as un vigile de 2m50 qui te fait les poches. Hein. Le mec te tire ton téléphone, ton PDA, ton baladeur et même le GPS, il a tout pris. Là, tu commences limite à suer, hein, ouais. À te demander si t'as bien fait de te lever ce matin. Surtout que c'est pas fini, hein. Là, t'es toujours pas dans la salle. Avant de monter l'escalier, c'est la fouille au corps. Palpation, rayon X et marche en canard. Mais cette fois, ça y est, on peut enfin accéder à la salle de cinéma pour voir Avatar. Ouais, ouais, ouais, sauf que tu te tapes une file de journalistes et animateurs télé qui n'avancent pas. Hein. Alors là, tu te dis que tu ne reverras jamais ta mère, que si tu entres dans cette salle de cinéma, c'est pour t'y faire incinérer ou être le cobaye d'une expérience chimique terroriste. En fait, la file, c'est la distribution des lunettes 3D. Donc on t'équipe façon cosmonaute, tu vois. Pour voir un film au cinéma, ça surprend quand même, faut dire. Hein. Surtout qu'on n'avait rien demandé, hein. Ouais, je rappelle qu'on voulait pas voir ce film. On s'installe donc dans le fauteuil, ouais. Ça y est, on chausse les lunettes 3D. Ouais. Et là, là, à ce moment précis où le film commence, on a pris une monumentale claque 3D en plein la gueule. Low kick, coup de pied circulaire, double percute, crochet du droit, ATMI, coup de poule. Et ça pendant 2h46. On n'était pas prêts, on n'était pas entraînés pour ça. On est arrivé sans le savoir sur un gros ring de boxe et on est ressorti franchement KO. Groggy, avachi, lessivé, ce film-là, Avatar, il nous a juste mis notre âme. Albatar. Du coup, courez, hein. Franchement, ouais. Courez voir Avatar. Même si vous détestez la science-fiction. En revanche, n'oubliez pas vos protections, Avatar, ça fait très mal. Ouais, c'est voilà. Clair. Bon ben voilà, c'en est fini pour cette semaine. Ouais. Merci de nous avoir suivis dans ce petit ciné des Mexicains. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous. Au revoir. J'arrive pas à le croire. Quoi ? C'est la première fois de la vie, vous voyez un film et vous en parlez pas. Alors d'habitude vous le voyez jamais, vous faites un cinéma constant alors vous l'avez jamais vu. Au moins ils ont bien insisté sur le fait qu'il l'avait vu. Et justement, parce que d'habitude. Non, mais c'est quand même surréaliste. Mais vous avez vu le film il y a deux semaines. On reste logique. On reste logique avec nous-mêmes. On voit pas les films, on les raconte. Quand on les voit, on les raconte pas, c'est logique. Bah oui. C'est une approche différente du cinéma, Mike, c'est tout. Je tiens à rappeler que tout ça est vrai, hein. Ah ouais, ouais. Début, on m'a toujours dit, il faut que tu apportes quelque chose de différent que les autres ne font pas. Alors on peut essayer de différent. Oui, ça c'est moi qu'on puisse dire, effectivement c'est différent. Mais en plus c'était pour répondre à des dizaines et des dizaines de mails qu'on a reçus d'auditeurs qui nous demandaient mais comment Michael a fait pour recevoir les acteurs d'Avatar. Ils comprenaient pas, ils disaient non, pas Michael, c'est pas possible, ces mails-là, s'il te plaît. Je les enverrai. D'accord, ok, très bien. Il y en a un là déjà. Ouais, c'est ça. Bon, petit ciné des Mexicains que vous réécouterez dans le Best of dimanche soir, bien sûr, à partir de 21h. Avec Polo et Pedro, bien sûr. Bien sûr, avec Polo et Pedro. Et puis sur amical.fm également. Voilà. Ils me font bander. Polo et Pedro, c'est. Il a un problème, lui. C'est, hein. C'est un bon jingle, ça. Wow. Polo et Pedro, c'est. Ils sont. C'est. Waouh. J'ai. Waouh. Waouh. Voilà. Michael, le podcast. Bon, on va parler des filles maintenant. Alors. Donc, on en parlait hier, hein, à votre avis. Enfin, pas à votre avis, puisqu'on en a parlé hier. Que pensent les filles pendant qu'elles font l'amour? Eh bien, apparemment, donc ça c'était hier, et donc ce soir c'est par rapport aux chaussures. Et donc les femmes traiteraient leurs chaussures comme leurs meilleurs amis, et les souvenirs relatifs à la chasse seraient plus durables que ceux qui les lient à leurs anciens amants. Mais c'est vrai, parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a de plus fidèle qu'une paire de chaussures? Bah franchement, en un an, même pas. Deux paires de chaussures. Ah ouais, ouais, voilà, déjà ouais. Non mais elles sont toujours là, même si elles sont moches, elles sont toutes abîmées, elles sont toujours là les chaussures. Non, une fois qu'elles sont usées, tu les jettes. Tant que tu les as pas achetées, elles sont toujours là. Oui, bah c'est pareil pour le mec, hein. Non, c'est pas pareil, le mec il peut se barrer de lui-même, alors que les chaussures non. Bah si elles se cassent en deux. Oui, mais elles seront toujours là. Ouais, c'est ça, t'as raison. Il y aura toujours. Elles t'abandonneront pas. Et donc, sur 1000 femmes, 92%, c'est quand même énorme, ça fait 920 femmes sur 1000, hein, qui se rappellent de la première paire de chaussures achetées, et un tiers de ces femmes se souvient de la personne qui leur a donné leur premier baiser. Ouais, c'est... Ah oui, donc c'est sans appel, oui. Voilà, ça veut dire qu'il y a presque 1000 femmes sur 1000 en fait qui se souviennent de leurs premières chaussures, mais par contre, il y en a que un tiers qui se souviennent du premier baiser. C'est quand même surréaliste. C'est tendu. Ouais. Tu sais, on n'est même pas presque pareil. Non, c'est vraiment loin. Hein. Non, 96%, parce qu'on a d'autres chiffres. Hein. 96% d'entre elles auraient confié qu'elles regrettaient une paire qu'elles ont jetée. Et 15% seulement regrettent un ancien petit ami. Tu vois, les chaussures, c'est beaucoup plus fidèle. C'est violent. Hein. Une femme sur six oui. Possède, c'est sur la liste, plus de 30 paires de pompes. Eh bien, je pense que j'en ai une en coloc avec moi qui doit avoir plus de 30 paires de pompes. Ouais. C'est dingue. Même pas. Non, mais ce qu'il faut que j'explique un truc, c'est que donc la Francine qui travaillait avec nous avant habite avec moi. Et Pedro. Habite avec moi et Pedro. Et donc elle a en fait une étagère à elle toute seule où il n'y a que ses chaussures. Et non, du coup Pedro dort dans le canapé. Voilà, c'est parce qu'il y a la chambre qui était prévue à son effet, bien évidemment. C'est arranger les chaussures de la Francine. Voilà. Et donc elle doit avoir facilement, je sais pas, 50, ouais, entre 50 et 60 paires. Non, mais c'est un truc de ouf. Donc une femme sur 6 possède 10 à 15, 30 paires. C'est les chiffres toffiens. Une femme sur 6 possède plus de 30 paires, un tiers a des difficultés à trouver l'endroit pour où y ranger. Hein. Ah oui, ça oui. Et toi, Sandro, combien de paires de pompes ? J'ai jamais compté, mais effectivement, j'en ai énormément, plus les baskets en plus, donc... C'est dingue. J'ai pas plus de 30 paires de chaussures à talons. Oui, non, mais tout compris, hein, que ce soit baskets... Baskets, oui, je dois être à 30 ou un peu moins. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est dingue. J'en ai énormément. C'est dingue. Attends, il y a Tony qui a 28 ans, du 95. Salut, Tony. Salut l'équipe. Comment salut, ça va? Salut. Ça va. Bon, alors comment ça se passe au niveau des chaussures là? Tu nous appelles parce que j'imagine que ta meuf en a une blinde. Les chiffres que t'as donné là à l'instant, je me reconnais totalement avec ma petite femme quoi. C'est exactement ça. Mais c'est hallucinant quand même. Et encore, je crois que les chiffres ils sont pas assez forts pour elle. Ah, ils sont pas assez forts? Non. Est-ce qu'elle les met au moins ou pas? Comment ? Est-ce qu'elle les met au moins ? Le pire, c'est ça. Elle les met pas toutes. On met toujours les plus pourries, quoi. Elle en garde, je sais pas combien elle en a, mais 30, c'est pas... Elle doit en avoir facile, franchement. Elle doit en avoir facile 100, voire 150. Mais c'est pas possible, tu te charries ou quoi ? Mais en plus, avec le prix que ça coûte. Non, mais c'est sérieux. Et on peut faire... Chez nous, là, on est dans un petit deux pièces. On peut carrément ouvrir un magasin. On peut concurrencer toutes les autres marques. C'est dingue. C'est incroyable. Et j'ai l'impression des fois que elle aime plus ses chaussures que moi. Ouais, mais je suis sûr qu'elle t'emmène faire les magasins de pompes. Que tu payes. Hein. Non, mais le week-end, c'est ça, juste déjà pour qu'il paye, mais surtout pour qu'il choisisse. Et au final, elle les mettra pas parce que, ouais, mais c'est toi qui as choisi, au final, je les trouve pas belles. Non, mais voilà, c'est ça. Soit c'est la couleur qui va plus, mais t'es venu avec moi, on est au centre commercial, prends-moi celle-ci, je les adore. Et puis, on rentre à la maison, finalement, j'aurais dû prendre les autres. Donc, dans la semaine, faut repasser dans le centre, en reprendre une. Au final, elle ne rapporte pas les autres, tu vois, elle va pas les échanger, elle garde quand même la première paire. Jamais. Ça, c'est interdit, ouais, ça. Les ramener quand ça te plaît pas, c'est interdit chez nous. Non, mais c'est incroyable. C'est pas possible. Et surtout, ne pas les revendre sur eBay. Hein. Ouh là là. Ah ouais, les revendre. Mais attends, si jamais j'ai le malheur de lui dire, viens, on revend tes chaussures, on a plus de place, il nous faut un peu d'argent, elle va me dire, mais je crois que je te quitte. Et je vais faire des chaussures à toi. Et attends, parce qu'elle va dire ça, même si les chaussures ne servent plus. Hein. Oui, mais c'est ça le pire. Je suis sûr que s'il prenait les vieilles paires, genre, tu sais, tout abîmées, toutes déchirées, tout, il les jetait, la meuf, elle peut lui faire un scandale. Ah oui, non, mais c'est pas toutes les meufs non plus, attention. Non, on parle de la sienne, 920 sur 1000. C'est bien clair, je me rappelle d'un épisode du Prince de Bel-Air où Will Smith avait son caleçon fétiche. Ouais. Ben, je pense qu'on a, avec ma copine, on doit avoir 30, 40 paires fétiches. Même si elle les met pas, faut pas les jeter. Ouais, mais ça sert à rien là. Faut vraiment qu'elle se rende compte que ça sert à rien de faire ça. Mais je sais bien. Oui, toi t'es pas à convaincre, hein, toi. Lui, il le sait. Hein. Et c'est surtout... Moi, je le vis, je le subis, je dirais même. Et c'est surtout que tu vis dans un deux pièces, parce que tu sais après t'aurais 15 pièces et une pièce spéciale chaussure, tu t'en battrais les couilles. Mais là, t'es dans un deux pièces. C'est-à-dire que t'as un deux pièces. on n'a pas d'enfant, on a des chaussures. C'est comme si. Ça, c'est facile. Mais en même temps, c'est bien parce que tu les sors, tu peux les cirer, tu peux les frotter. Oui, on leur donne un petit nom. On leur donne un petit nom. Ah, ce soir, je vais sortir Sophie. C'est vrai que c'est une science assez bizarre pour nous l'aimer, quoi. C'est la fascination que les femmes ont pour les chaussures. C'est-à-dire que nous, ouais, t'aimes bien avoir une, deux, trois belles paires de chaussures, mais ça s'arrête là. C'est pas vrai. Il y a des mecs vraiment pour le coup, les baskets, ça y va. Surtout avec les baskets qui sortent Ouais, il y a plein de mecs qui ont des. Et ça et les casquettes, t'as des collectionneurs, mais c'est un truc de ouf. Des hommes, pas des rappeurs. Mais des fois, je me demande même que si dans nos moments intimes et tout, si elles pensent pas à une paire de chaussures, tiens, j'ai vu la roue. Là, j'irais bien la chercher. Je suis sûr que le talon de la paire de chaussures que j'ai vue me donnerait plus de plaisir. Ah oui, mets-moi ton talon. Ça m'inquiète. Franchement, putain, la violence, quoi. Bon, ben, bon courage, Tony. Hein. Merci à vous. Hein. Et puis, tu reviens quand tu veux. Hein. Ben, merci à vous. Salut, Tony, à bientôt. Salut, à bientôt. Toi. Ciao. Bye. On aura Sabine dans un instant qui voulait réagir aussi par rapport aux chaussures, justement. Ça peut être pas mal d'avoir l'avis d'une fille dans quelques secondes. Et puis là, bienvenue dans le mag du jour, un tour d'horizon de l'actu. Condensé et revient notre sauce et on attaque avec le premier titre de ce mercredi 16 décembre 2009. Johnny Hallyday va mieux, c'est une bonne nouvelle pour ses fans qui vivaient dans l'angoisse depuis son hospitalisation. Pardon. Son producteur Jean-Claude Camus a annoncé qu'il devrait tout de même rester en observation plusieurs jours à l'hôpital. Bah qu'est-ce qui se passe alors? C'était un pacemaker. Bah oui, c'est bizarre, hein, ça a sonné. Donc je disais qu'il devrait rester plusieurs jours à l'hôpital avant de sortir. La fin de sa tournée d'adieu qui devait reprendre en janvier risque toutefois d'être reportée. Hein. Ce que j'aime bien avec la famille Hallyday, c'est qu'on va pouvoir faire un jeu des 7 familles. Quoi? Bah oui, en fait, dans la famille artificielle, on avait déjà la femme, intelligence artificielle. Ah oui. Oh. Et puis maintenant, on a le père, coma artificiel. Et dans la famille artificielle, je demande le fils. Célébrité artificielle. C'est ça. Et météo maintenant. Ah enfin, ça fait 3 mois qu'on fait le mag, jamais la météo. Bon, oui, météo. Oui. De -5 à Saint-Étienne jusqu'à -13 dans le Jura. Oh, putain. La vague de froid s'intensifie en France. Première victime, un SDF malheureusement qui est décédé à Bordeaux cette nuit. Le retour à des températures plus clémentes actuellement de 6 à 7 degrés en dessous des normales saisonnières. Mais pas pour demain, hein, ça c'est. Ah, et après on va venir nous casser les couilles avec le réchauffement climatique. Oula, ça a jeté un froid ce que t'as dit. Censure après la polémique qu'il a suscité avec son titre Sale pute. Aurel San a vu son album carrément retiré du catalogue internet de la Fnac. Hein. Ouais, en même temps son album s'appelait Perdu d'avance. Ah bah voilà, en fait à la Fnac ils ont juste voulu lui faire gagner un peu de temps quoi. Et puis saison oblige, on passe aux faits divers. Aux États-Unis, aux États-Unis, une femme victime d'un accident de voiture n'arrive plus à contrôler sa libido. Elle est chaude 24 heures sur 24 et les rapports sexuels n'arrivent plus à la satisfaire. Apparemment, l'accident lui aurait endommagé un nerf dans le bassin, ce qui la rend excitée en permanence. Et je comprends mieux maintenant, hein. Tu ne serais pas fait renverser par un camion quand t'étais petit? Ouais, il y a peut-être de ça, ouais. Mais il a chopé de plein de face. Hein. Allez, sport maintenant, on approche du mercato et après un début de saison mitigé, l'Argentin Lucho González semble enfin s'adapter du côté de l'Olympique de Marseille. Il lui aura fallu 4 mois pour se lancer, mais maintenant l'international argentin est enfin sur les bons rails. Ouais, enfin, depuis qu'il a été pris en main par Maradona, c'est normal. Ouais. On passe au cours du jour, il nous vient d'Allemagne et je n'en dis pas plus, c'est le con de Toff. Ouais, donc en fait mon con c'est une conne et en fait elle a été condamnée à 5 ans de prison par le tribunal de Nuremberg pour trafic de drogue. Ouais, Nuremberg. Ouais, comme tu veux, tu dis, on s'en fout. Donc pour trafic de drogue. Alors déjà faut être très con pour vendre de la drogue, mais ce qu'il faut savoir c'est que Macon est devenu dealer en fait pour rendre service à son fils. Parce qu'en fait son fils s'est fait arrêter et donc a été condamné, il a dû aller en prison et donc du coup c'est elle qui a repris le business. Ah bah oui. Et donc vous demandez un petit peu ce qui fait l'originalité de mon con, c'est que Christina Kohler se déplace en fauteuil roulant et le plus beau dans l'histoire c'est qu'elle a 81 ans. Ah quand même. Et oui, et d'ailleurs en fait dans le quartier il l'a surnommé pardon Mamie Drogue. C'est dingue ça. Ouais, en fait la police elle l'a retrouvée sur notre mamie, donc dans sa chaise roulante, 400 grammes d'héroïne qu'elle s'apprêtait à revendre pour environ 16 400 euros en liquide bien sûr. Ah putain, ah ouais quand même. Bon ben merci pour ce cours du jour, hein. Comme quoi les conneries n'attendent pas le nombre des années. Hein. Ça, c'est... Enfin, allez, avant de passer aux citations, le truc du jour est un petit conseil santé. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous souffrez de dépression et d'anxiété. On a la solution, mariez-vous. Et oui, selon Kate Scott, psychologue à l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, le mariage est bon pour votre santé mentale. À l'inverse, être séparé, divorcé ou veuf augmente les risques de troubles mentaux comme l'abus de médicaments ou d'alcool chez les femmes et la dépression chez les hommes. Donc pour être heureux, trouvez-vous une femme, même moche, grosse et chiante, et vous nagerez dans le bonheur. Vous pourrez toujours la tromper. C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, Polo est complètement dingue et il n'est pas marié à son âge. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Hein, je ne vous en dis pas plus. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il devient de plus en plus. Ah oui, putain. C'est l'âge, c'est l'âge. Là, À bientôt Alzheimer. Je ne suis pas à l'abri du payer une pute. Mais moi je lui ai déjà proposé, il veut pas. Bah ouais, c'est ça, c'est bizarre. Est-ce qu'il a honte? Peut-être, peut-être. La dernière fois on était dans un bar de strip, j'ai dit ouais vas-y, c'est celle que tu veux, je paye. Ah non. Mais pourquoi, quel est ton intérêt? Bah rien, c'était pas rien. Bah lui soulager tout simplement, en fait, c'est un ami, hein, c'est un vrai ami Tof. C'était pour l'anniversaire de Polo, je l'avais emmené dans un bar de strip. Oh, c'était un mini-anniversaire de merde. Oh, c'est un anniversaire. Et Polo adore ça. Donc, oui, c'est vrai, Romain. C'est un de ses grands kiffs, et donc j'ai voulu lui offrir une fille, il a pas voulu. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, effectivement. Bon, bah très bien. Le roux est de retour. Allez, Paris. Allez, Lance. Ouais. J'arrive pas gelé, à parler. Ah, t'es congelé, ouais, bah oui. Ah, j'ai trop de mal à articuler. Ah, oui, bah, c'est dommage parce qu'on venait juste de remonter la clim. Si j'avais su, on l'aurait laissé sur 15. Bah là, il fait meilleur. Mais un petit coup de vaseline pour assoupir. Comment on dit? Assoupir, oui. Assouplir. Attends, Toff, rends assouplir. À ton camarade, fais. Sur sa bouche. Je peux lui rouler une pelle, tu sais, pour lui réchauffer les lèvres. Non, arrête. T'as l'impression que je suis bourré. Tu te fous pas, t'es pas en train de te foutre de notre gueule une troisième fois là. Non, ça se voit, ça se voit. J'ai pas bu. Enfin, j'ai bu un verre, c'est tout. Sauf que c'était un grand verre, c'est ça? Ouais, c'était un grand verre, mais ça a rien fait. En tout cas, ça n'a pas servi à faire gagner Paris. Hein. Non, une défaite. En tout cas, un nul. Bon, allez, on va passer au quiz des citations maintenant. Qui a dit la France est un pays hypocrite? Sohan. Non. Orelsan. Non. Nicolas Nelka. Nicolas Nelka qui ajoute. Ça lui arrive aussi. Hein, j'ai su trouver avec Raymond Domenech une communication qu'il n'a pas eue avec Aimé Jacquet, bien sûr, Roger Lemaire et Jacques Santini. Je ne veux plus jouer dans un club français car la pression fiscale y est trop forte. En France, on jalouse les personnes qui gagnent de l'argent. Il a raison. Non mais on va pas pleurer parce qu'il paye. Non mais c'est pas ça, mais c'est parce qu'on lui reprochait, il avait 20 ans, il roulait en Ferrari et on le lui reprochait. Voilà. Bah oui, bah c'est de la jalousie, c'est tout, mais oui, mais bien sûr. Il fait ce qu'il veut. Mais évidemment qu'il fait ce qu'il veut, mais c'est de la jalousie quand même, tout simplement. Parce qu'au final, gagner tout cet argent là en mettant en courant après une balle. Oui, je veux bien, je veux bien. Bon, qui a dit je me sentais tellement bien qu'il fallait qu'on m'arrête à temps pour que je ne sorte pas complètement nu en rue. Un mec bourré. Rihanna. Non. Pete Doherty. Lady Gaga. Non. Pourquoi ça serait une fille? Ben ça l'est en tout cas. Lindsay Lohan. Non. Britney. Non. Lily Allen. Ça n'aurait pas changé grand chose vu que tout le monde l'a déjà vu à poil en photo. Pamela Anderson. Et pas comme en photo. Effectivement, Pamela Anderson se souvient que sa mère l'encourageait à poser pour le magazine de charme. J'ai toujours été un garçon manqué et elle pensait que Playboy aurait un effet positif sur moi. Elle ne croyait pas si bien dire. Et enfin, qui a dit tout le monde a préféré Michael Jackson la semaine de sa mort que la semaine précédente. Peut-être qu'ils m'aimeront plus lorsque je serai parti. 50 Cent, ouais. Souvent nominé, jamais récompensé, 50 Cent en a marre de passer chaque fois à côté des Golden Globes. Oh, le toutefois, le rappeur garde espoir, il est convaincu que de nombreux prix lui seront décernés quand il sera mort. C'est une manière de voir les choses, bien entendu. Bon, eh bien, le roux étant de retour. Ouais. Froid. Ah, je caille. Un café? Non, merci, ça va. Bah pourquoi? Bah parce que moi j'aime pas le café comme ça là. Par contre, si tu veux m'offrir une bonne bouteille d'eau, avec plaisir. Bah j'ai lui payer son café, il est con. Non mais je veux pas de café. Ah, je le prends. Ah non, bah c'est trop tard. Un chocolat chaud. J'ai froid. Regarde, Thierry. Ah, râlez. Ouais, tant pis. Mickaël, le podcast. Bon, on va tout à l'heure parler encore des chaussures avec les meufs hein, qui en ont une blinde, une surblinde, c'est encore plus que ça encore. Mais avant ça, on en avait parlé aussi tout à l'heure d'ailleurs hein, de confessions intimes. Et c'est l'euro qui voulait se garder le dernier pour la fin. Ouais, parce qu'on en a, en fait, on s'est partagé le truc. Attends, déjà on a parlé de Jessica en premier. Elle est casse-couille. Hein. Jessica, la casse-couille qui s'est fait refaire de la tête aux pieds, mais qui malgré tout n'est pas terrible. Et puis il y avait également tout à l'heure le couple du futur. Oui, donc Alain et Véronique. Exactement. Et puis nous parlons bien évidemment du camion. Ah oui, Bah, c'est pas le camion en premier. Non, ça va venir, ça va venir. Ça va c'est, venir. C'est, en fait, on l'a gardé pour la fin, le camion. Voilà, c'est ça, exactement. Là, on va juste raconter l'histoire d'un, d'un coup de foudre, un amour solennel. Oui. C'est vraiment beau entre, entre deux personnes qui sont unies autour d'un, d'un joli chérubin fraîchement chié. Et ça... Ah. Ah, il est tout jeune. Ouais. Donc, il était une fois Ophélie et Guillaume, un couple fou amoureux, l'un de l'autre, depuis déjà 2 ans et demi. 2 ans et demi qu'on est ensemble, ça fait 2 ans que tu me fais chier. Allez. Alors ils sont tellement amoureux. Ça c'est dit. Ça c'est l'apéro. Alors pour l'info, ils sont tellement amoureux qu'après que qu'Ophélie ait accouché, en fait Guillaume s'est pris un appart pour rentrer le soir, pour pas la calculer quoi. C'est n'importe quoi. Donc là on vient d'entendre Guillaume qui a fait sa petite phrase. Attention cette fois c'est au tour d'Ophélie qui nous fait une vraie métaphore de meuf. Tu te sers de moi comme moi je me sers de mon plan de travail pour cuisiner quoi. Ouais. Sauf que moi je le nettoie mais toi tu me salis. Oh là là. Ça, elle est mieux trouvée la phrase. Hein. Un partout, la balle au centre. Ah je pense qu'il y a 2-1 pour elle, c'est mieux dit quand même. Et ce qui est flippant, c'est que pendant tout le reportage, il s'embrouille devant le gamin. Alors bon, c'est vrai que c'est vrai qu'elle est chiante, mais lui, il est bien con aussi. Elle est très con. Et il dit tout le temps qu'elle est froide et désespérée. C'est le truc vachement sympa pour ta meuf. Ah ouais, ouais, franchement ça donne... Froid et désespéré. Ouais parce qu'en fait la meuf à un moment donné elle lui dit ouais mais toi tu vas voir des meufs dans tous les sens et tout. Et lui va bah oui bah, on va faire une nouvelle émission à la recherche de la nouvelle femelle. Ah oui parce qu'il est lourd en plus. Ouais et non mais attends elle est ensuite elle est bien lourde et il fait bah tu sais quoi on va faire une deuxième émission à la recherche d'une froide et désespérée. Donc, la meuf elle est bien blasée tu vois avant de dormir ça lui a fait plaisir. Tu donc troisième extrait, attention ça va assez vite. On va dire que je me définirais plutôt, définirais quand même comme plutôt laxiste et moi c'est à la va comme je te pousse. À la va comme je te pousse. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très très belle expression que ma mère utilise. Ouais, on la connaît. Ça veut dire à quoi? À la va comme je te pousse. Je, personnellement, je ne sais pas. Bah c'est en gros tu fais ça par-dessus la jambe quoi, tu t'en branles quoi, tu fais ça voilà, tu fais ça sans intérêt. D'accord. Tu connaissais? En gros, c'est ouais, ma mère elle utilise cette expression. En gros, tu fais 2 pas en avant parce que quelqu'un t'a poussé finalement, tu vois. D'accord, OK. Ah oui, ça veut dire ça. Donc puisque Guillaume s'en branle et en plus il lui dit, il lui explique clairement qu'il a plus du tout envie d'être avec elle. Ouais. Mais elle, comme une vraie meuf, elle comprend le contraire. Donc elle est persuadée qu'elle va le faire changer. Alors qu'il lui dit écoute, j'ai pas envie, là tout ce que je veux c'est rentrer chez moi et jamais revenir ici. Mais elle lâche pas l'affaire. Et comme elle a un peu de mal, elle va trouver du réconfort chez sa mère. Et là, je sais pas si la mère a pris des cours de comédie, parce qu'elle va nous faire une tirade alors que personne lui a rien demandé. Attention, grand moment de cinéma. Ladies and gentlemen, welcome to Hollywood. J'ai consacré ma vie pour vous. J'ai consacré ma vie, je regrette rien. Je vous ai aimé. Sa mère ? Mais ne cache pas ta vie. Ne cache pas ta vie, t'as un enfant merveilleux. T'as toute l'avenir encore devant toi. Pas ça. Oh la pauvre, ça me fait de la peine. Oh c'est malheureux. La daronne, elle est tellement égocentrique, elle est persuadée que c'est de sa faute si tout part en couille. Oui, mais je sais pas, c'est bizarre. Elle dit pardon. Elle dit je vous ai aimé tout le temps et je regrette rien. On sent rien rapport. L'autre elle est juste en galère parce qu'elle veut un nouveau mec. Et donc tout le reportage qui est fait d'engueulades, de je te quitte, de j'ai plus envie de toi, de tu me dégoûtes, se finit par un bouquet de fleurs et tout rentre dans l'ordre. Ah bah super. Oh putain, mais c'est ça qui est chiant, c'est toujours happy end. Là ouais, je pense qu'ils ont dû monter complètement le reportage et qu'ils avaient rien à mettre à la fin parce que tout le long tu vois le mec qui dit elle me casse les couilles, je veux plus être avec elle, j'ai envie de la quitter, mais il est vraiment décidé. Et à la fin, il vient avec un bouquet, il dit « je m'excuse » et elle a dit « ah bah d'accord ». Et on la voit pas la psychologue ? Non, on la voit pas la psychologue. Ah, elle pouvait pas. Non, mais ils avaient déjà tenu pour le sujet d'avant. Hein, elle était épuisée, la pauvre. Au niveau du tarif. Ou alors, elle pouvait plus rien faire, là. Ouais, ou alors, il y a peut-être de ça, ouais. Parce que moi, je pense qu'ils ont créé un faux happy end. Parce qu'ils ont, à mon avis, enfin quand tu les vois, le couple, là, ils sont au bord de la séparation. Ouais. Donc, sinon, il y avait un autre reportage. Ah, le vrai. Ah, alors le camion. On a déjà eu des fans de Johnny. Eh ouais. On non, est là, déjà... ils sont occupés à autre chose là. Ouais. Ma on a déjà eu des fans de Claude François. Ouais. Mais oui. On a déjà eu des fans de Tuning. Ouais bon, il n'y en a pas d'argent. Mais on n'avait jamais eu des fans de camion. Alors là c'est l'histoire de Christian et Stéphanie. Et c'est Stéphanie hein, qui résume très bien le problème de leur couple. Les nanas, en fait, elles sont jalouses toujours d'une autre fille. Ah bah non mais moi c'est d'un camion. Ah bah te plains pas. Le mec il est gonflé du début à au moins elle est sûre qu'il ira pas baiser le camion. Hein. Ah bah, il préfère le pot d'échappement de son camion plutôt que celui de sa femme. Hein ah bah t'as plaît pas. Bizarre parce que pourtant sa femme ressemble à un smirmorque. Oh. Pourtant Christian s'en branle. Mais de la chance, ce camion lui il se fait toucher. Moi j'ai même pas le droit à la main. Et là on arrive au summum. Alors si petite question, si jamais vous deviez mourir, où est-ce que vous feriez enterrer? Bah, je m'en branle. Bahamas, ouais. Soleil. Bahamas. Non, moi je m'en fous. On peut me brûler, il voit. Ouais, la solution la plus écologique, je m'en branle. Enterrer, je peux pas. Claustro. Oh, ah oui, mais t'es mort. Brûlé et faudrait jeter les cendres en Inde. À la mer. La mer du Nord. Dans la merde. La mer du Nord. Dans la merde. Mais non, on te remettrait dans un brownie, je sais pas. Une ah ouais, voilà. Là. On te mangerait. Et à votre avis, où veut se faire enterrer Christian? Bah dans son camion. Tu veux pas non plus te faire enterrer dans un camion? Bah, si ce serait autorisé. Croquement vient faire un trou, un camion dedans. Et moi on met dans la couchette. Dans la couchette. On fait un trou. Ouais. C'est ça, on met. Ça va faire cher l'emplacement. Savoir que le mec, le dimanche, tu sais, bon, dans les années 60, les gens, ils allaient à Orly ou à Charles de Gaulle, ils regardaient décoller les avions. C'est vrai que c'était quand même. Ouais. C'était un peu kiffant. Je fais toujours ça, moi. Voilà, voilà. Ouais. Bon, ouais. Lui, en fait, ce qu'il fait 60, le samedi et le dimanche, c'est qu'il va au-dessus de l'autoroute, sur les ponts, il regarde passer les camions, et qu'il y en a un qui kiffe, il le prend en photo. Et la meuf, c'est une bonne là que tu dis. Non, ou non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais, et à un moment donné, il va dans un entrepôt où il y a plein de beaux camions, et il commence à le regarder pendant 107 ans, et à la fin, le mec, il parle avec un mec, et ils se disent au revoir, et il va pour partir, et puis au dernier moment, il va vers le camion, et. Hop, un coup de sur la carrosserie. Ah, ça, c'est vu, pas ouais. Vrai. Ah, ouais, non, mais quelle c'est dégueulasse. Catastrophe. Et dernier extrait, je vais pas vous l'expliquer, sinon vous allez le voir venir. Mais là, tu te demandes vraiment comment sa femme est fait. Moi, j'espère me réincarner en camion. N'importe quoi. Oh. Te réincarner en camion. Il va se réincarner en camion. Dans sa tête, il va se réincarner en camion. Après, sa femme, elle a des torts aussi. Elle n'a qu'à pas rester avec lui. C'est pas que ça. C'est que si elle faisait un petit effort sur ouais. elle oui, aussi. Oui, tu l'as vu. Ouais. Je disais à Pedro hier, c'est vrai que quand tu vois la gueule de sa femme, tu préfères les camions. Non, c'est pas. Non, mais attention, hein, c'est pas qu'elle est moche ou quoi. C'est que. Non, mais attendez, les gars. C'est juste que. Elle ne sait pas dire ça. Mais non, mais c'est juste qu'elle s'épile pas les sourcils, qu'elle se maquille pas, qu'elle s'habille pas plus féminine. C'est juste ça le problème. Là, elle tombe en lambeaux, là. Oui, après, il y a les gosses, il y a le mari à supporter, elle est lessivée, tu vois. Alors que plus le camion, la lessive. Alors que le camion, tu fais une belle peinture, t'as toujours la couchette, t'as le calendrier porno derrière toi. Ouais, t'es toujours bon, ouais. La cibie. Tu le maquilles une fois, c'est bon. Et donc, tu sais, nous, quand on aime bien une marque, on met des casquettes de la marque. Ouais. Bah lui, c'est pareil, il est fan de Scania. Il a la casquette Scania. Ouais, mais ça, il l'a peut-être reçu quand il a acheté le camion. Ouais, mais tu la mets pas. Bah si il est fan, pour lui c'est au-dessus de Ferrari. Ouais, mais tu vois, je suis fan du PSG, mais dès que tu vois un mec qui a un bonnet ou une casquette PSG, tu te dis c'est quoi le bien. C'est ridicule. Ouais, et même... tu viens bien avec le maillot du PSG, puis ouais. Je te remercie, j'ai le bonnet du Barça. Oui, bah et même le maillot, c'est naze. Non, il est beau le maillot en plus. C'est mieux qu'une casquette Scania ou un t-shirt j'aime mon camion. Pouette. J'aime mon camion pouette. Mais c'est parce que tu le vois comme ça, mais ça se trouve c'est des trucs super bien les camions. Tu vois, des t-shirts, tu peux y avoir des beaux t-shirts. Aux Etats-Unis, ils sont pas mal les camions. Ouais, c'est vrai qu'aux Etats-Unis ils ont. Après il aime pas les camions dégueux, hein. ils sont pas moches. Hein. Non mais enfin bon, de là à préférer à se faire enterrer avec un camion. Et puis sa femme, c'est son kiff, les Et sa femme. Ouais non mais sa femme, il s'en branle, sa meuf, c'est ça le truc. Ouais. C'est ça le pire. Enfin bon. Bon ben voilà, encore une fois du caviar dans Confessions Intimes. Ouais. Du beau caviar. Non mais c'est vrai, hein, franchement il faut dire ce qu'il y a ce soir. Enfin non, hier soir en l'occurrence. Hier soir ils étaient au top. Hein. Les quatre étaient bons. Pourtant quand on avait regardé, on était tombé hier soir. Bah, il y a 24 heures pile d'ailleurs sur Jessica pour la première fois. Je suis belle, je suis trop bonne, en plus je suis modeste. Non, voilà. En plus elle a été con de passer à la télé parce qu'elle va s'en prendre plein la gueule. Bah, grave. Coup, hein. Ah bah là maintenant elle est défoncée. Sauf si c'est une actrice. Ouais mais tu sais des fois même si elle dit mais non mais j'ai fait la comédienne pas, le plaisir de lui en mettre dans la gueule, elle va s'en prendre. Ouais effectivement. Les gens sont cruels. Gens sont cruels, mais elle parlait mal. À un moment donné on le voit dans un escalator et elle dit coucou, t'es moche. C'est pas très cool pour le gars quoi. Mais c'est gonflé surtout, elle est très gonflée la meuf. Mais elle a fait de la gonflette hein. La fausse. Bon, allez, retour avec Sabine qui est là maintenant pour parler des chaussures. Alors, je vous rappelle vite fait en deux mots. Hein, on est tombé là-dessus. Donc, sur 1000 femmes, 92% se rappellent de la première paire de chaussures achetées. Un tiers de ces femmes se souvient seulement de la personne qu'elles ont embrassée pour la première fois. Elles sont matérialistes. Ce qui veut dire que 920 femmes se souviennent de leur première paire de chaussures, mais seulement 350 se souviennent du premier baiser. Ouais. C'est violent quand même. Hein. C'est violent. Bon, Sabine, 25 ans de Paris, salut à toi, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va, tranquille. 25 ans de Paris, c'est très intéressant. Ça, combien mesures-tu, Sabine? En galère, quoi. Ah ouais, je suis en chien, là. Faut remplir le catalogue. Pardon, j'ai pas entendu, Sabine. Mais pas pour ça. Bim. Oui, mais c'est pas grave, combien tu mesures? 1m75. Combien pèses-tu? 63. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Et la taille de les pantalons que tu as acheté? 38. Mais oui, mais je peux venir de ce soir si tu veux, je te mets une petite cartouche en plus en tant que 85D. Ah, on peut faire une belle branlette espagnole avec une faciale à la fin. Mais si tu as des chaussures, je vais t'offrir des tongs. Mais c'est ça, je viens t'offrir des chaussures, tu vas voir, ça va être très bien. C'est dommage, on allait en soirée avec Micha, on aurait pu t'inviter. C'est ça. Ah, vous allez en soirée? Ouais, en soirée, Micha avait oublié apparemment. Ils vont en scooter. Ah, t'avais surtout oublié de nous en parler. Espèce de chien. Bon, Sabine, tu voulais réagir aux chaussures? Tout à fait. Dis-nous. Alors moi, combien toi? Alors moi, c'est pas les chaussures. 43. Ah, c'est quoi? C'est les godes. Ah d'accord, bah ouais. Parfait. Mais écoute, j'en ai une très très belle collection, on peut peut-être faire des échanges. Oh, ta gueule, Tof. Allez, laissez-moi parler. Non, on te laisse parler, j'essaie de mettre Tof, de mettre une muselière à Tof. Moi, c'est les nounours. Oh non. Oh, quelle tristesse. On te laisse parler pour ça. Ah, c'est pas triste, c'est mignon. Non, mais T'as subi un choc psychologique étant petite. Enfin, mais c'est mignon quand t'en as quelques-uns, mais de là avoir toute une chambre garnie. Une cinquantaine. Oh, c'est mignon quand t'as 12 ans. Là, c'est le trip où tu mets ça sur ton lit et puis tous les matins tu refais, tu remets, t'enlèves. C'est mignon, je trouve. Bah, non, c'est relou. C'est pas mignon, c'est relou. Y a rien de pire pour un mec qui rentre dans une chambre et qui voit ça, quoi. Les nounours. Attends. J'ai quitté mon ex. En fait, on s'est séparés par rapport à ça parce qu'il acceptait pas. Ouais. T'as un problème. Là, celui avec qui je suis depuis un an et demi, il accepte totalement. Il m'en achète même. Ouais. Donc voilà quoi. Bah après, je pense que voilà, c'est une passion. Et puis les mecs, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être plein d'autres trucs aussi. Oui, il est con ton ex de t'avoir lâché juste pour ça. Oui, non, mais attends, qui te dit que c'est pas elle qui insistait pas trop? Tu dis quoi? C'est pas une grosse perte, donc c'est pas non, ça d'accord. Mais alors, juste une autre question, c'est quoi comme style de nounours? C'est des gros trucs surréalistes ou alors des petits? Ou non, mais je sais, mais elle, peut-être qu'elle préfère que les petits ou que les grands, je sais pas. Non, tous les Walt Disney. Ah, que les Walt Disney? Ouais. Et c'est les plus mignons, les Walt Disney, faut dire. Ah ouais, c'est pour ça. Mais rentre pas dans son jeu, toi. Non, elle c'est malade. Les plus mignons, mais moi jamais je mettrais même un nounours dans ma. J'en ai un parce que c'est des trucs offerts. Bah, t'as quand même un. Non, c'est offert. Quoi? C'est Winnie l'ourson. Oh, ah, ça va. C'est mignon. Mignon, je trouve. Enfin, ça fait. C'est mignon, mais pour les gamins qu'on aura plus tard. Et... Bah, je lui donnerai, c'est pas grave. Ouais, il va être gâté, hein. Ouais, putain. Oh putain. Hey, c'est quoi mon héritage, maman? Tiens, Winnie l'ourson, là. Tiens, il y en a 20. Garde. Et c'est quoi le plus grand que t'es d'ours? Enfin, ou de. Le plus grand, c'est un bourriquet. Et il fait combien? Il fait à peu près un mètre. Oh, un mètre. Putain, t'imagines, t'as un âne d'un mètre dans ta chambre. Surtout qu'il y a des gens qui dorment dehors, quoi. Et là, t'as une peluche d'un mètre qui est tranquille au chaud, quoi. Ouais, exactement. Plus les 49 autres. Et juste un truc encore, il dorme, façon de parler, il dorme où? Il fait gaffe, t'as un problème toi aussi. Non mais façon de parler, c'est ce que je dis. Quand je suis avec mon copain, il dort pas sur mon lit. Ah bah encore heureux. Normal, mais quand je suis toute seule, ouais, des fois je dors avec un ou deux. Ah, tu les fais descendre. on croirait une meuf qui parle de son chien. Ah bah, comme mon mec est pas là, je le laisse dormir sur le lit, mais quand il est là, il dort par terre. Hein. Il vaut mieux quoi, 49 peluches ou deux petits chihuahuas là? 49 peluches. Oh, les petits chihuahuas. Même, franchement, même sans peluches. Non. Tu dis, excuse-moi, Zabine. Il y a pas de contrainte avec les nounours, c'est pas comme un animal. C'est ouais, c'est vrai, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est clair. Mais bon, non, quand tu lui parles, il te calcule pas la peluche. Hein. Non, franchement, si je dors avec une meuf, je préfère qu'elle ait blindée de nounours que des chats ou des chiens. Non, mais c'est bien les nounours quand t'as une pièce, une chambre d'amis, par exemple, tu fous tout dedans. Ouais. Mais dans ta propre chambre, c'est chaud quand même. Ouais, c'est abusé. Jusqu'à maintenant, je sais que ça n'a pas dérangé mon copain, parce que je te dis, non, mais il m'en achète même, donc voilà, c'est que il pose pas de problème. Oh, mais il a pitié de toi. C'est juste qu'il faut, après, il faut une demi-heure avant de se coucher pour tout enlever, une demi-heure au lever pour tout remettre sur le lit. Ouais, c'est ça en gros, ouais. Bon, bah écoute, Sabine, merci à toi d'être passée. Je te fais des gros bisous alors. Bisous, bonne soirée. Tu reviens quand tu veux. Salut Sabine. Salut. Allez, à bientôt, ciao. Et on n'a pas demandé à Rousse s'il avait une collection de chaussures, lui. Ouais, ouais. C'est vrai, bon, on va lui poser les questions tout à l'heure, tiens. Mickaël, le podcast. Bon, on va jouer aux questions pour une réponse maintenant avec Paul et Jimmy qui sont là tous les deux. Bonsoir. Bonsoir l'équipe, ça va bien? Salut. Ça va et vous? Bah, ça va bien. Bon, tant mieux. Alors, Paul, tu as 16 ans, t'appelles du 45, tu veux jouer avec qui? Avec Tof. D'accord. Très bon choix, Paul. De l'autre côté, Jimmy, 19 ans, tu veux jouer avec qui? Roux. Très bien. Alors, allez. Pour information pour le roux, cette espèce de trou du cul de Tof, comme le dit, a donné trois réponses. Parce que Pablo est en train de relire les questions, c'est lui qui les écrit, a donné toutes les réponses dans le studio. Donc j'ai demandé à Pablo de les faire changer. D'accord. Donc c'est des nouvelles. Ok. Voilà. Quel idiot. Mais c'est la merguez. Mais ça va, c'est pas. C'est drôle, match de la Coupe du Monde. C'est drôle. Non, il a fait un. C'est la merguez. Ouais, c'est la merguez. Voilà, exactement, Julien. Bon, Paul, Jimmy, on va jouer maintenant aux questions pour une réponse. Allez. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. C'est bon, voilà. Mais oui, question pour une réponse. Donc attention, ça va se jouer avec... Qu'est-ce que tu fous là, toi, comme par hasard, Micha? T'as besoin d'un son au standard. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu foutais là? Je suis en train d'encoder. Mais tu sais même pas comment ça marche. Mais si, bah. Tu sais même pas de quoi tu parles, si. Surtout. T'encodais quoi? Un son. Quel en son quoi, en, un buzz, laisse tomber. Tu faisais en quoi? Quel format? En W streaming. Ouais. Quel idiot. Ça, c'est quand tu télécharges. Mais quel idiot. Bon, allez, on y va. Vous êtes prêts? On est prêts. Prêt. Paul prêt. Donc joue avec Toff. Jimmy joue avec Larousse. Attention. On peut se servir des pieds, des genoux, des coudes et des poings. Oui, bah comme vous voulez. Hein. Toff prendra surtout le point. Bon, attention. C'est ce que je préfère. Top, je suis né à Colmar en 1938. 10 ans plus tard, je deviens ramasseur de balles au stade. Roux. Oui. Giroud. Bonne réponse. Ouais. Bonne réponse. Au stade des Francs. Ah oui, c'est normal, c'est moi qui l'ai écrit. Ah. Je... Waouh. Hey, c'est un détail auquel je n'avais pas pensé. Oui, c'est un vieux. Ah bah 1-0. Allez, ouais. Bien joué Paul. Non. Et tu dis pas qu'il a été avantagé, non. C'est plus facile. Je sais pas, je regarde la télé. Non mais Sandro, tu te fous de notre gueule ou quoi? Bah, chacun sa pose, hein, roule et au match. C'est ça, ouais. Bon, annulé, 0-0. Ah, annulé aussi, bon bah. Ah mais non, mais non, mais bon. Ah bah oui, mais c'est pas. Quel est le problème? Dites-moi. Bah rien, je vais vous aider. Je lui fais une question pour une réponse, c'est lui qui l'a écrite, alors évidemment. Ah. La première ligne, ici. Bah laisse-moi jouer à sa place. Hein. Mais non, parce que les autres, je sais pas si c'est lui qui les a écrites aussi. Bah laisse-moi jouer à sa place. Hein. Mais pourquoi? Hello. Bah, parce que le je soleil. Jamais. Oui. Oui, il brille, mais il fait froid, Julien. Ah, ça va être très long ce soir parce qu'on va bien galérer là. Ouais, parce que là, ça va être la on merde. On s'arrête là. Ouais, ouais. Bon, on s'arrête là. Deuxième, on y va. Je vais aider Toff alors. Merci. Attention. On a la première là. Oui, bien joué. Non, la deuxième, première, on l'a perdue déjà. La première a été avortée. On fait la deuxième. Voilà. Top, je suis des années 90 et je suis de 5e génération. J'ai été décliné dans ma deuxième version. PlayStation. C'est lui qui l'a créé. Exactement, ouais. Voilà. Putain, c'est non mais aussi toute la série, ouais. Top, je l'ai et il donne pas les réponses. C'est-à-dire que t'avais pas fini de me le dire qu'il avait déjà. Non, t'aurais dû dire ton nom pendant que je te disais. PlayStation. Comment tu sais? Bien joué, bravo. Elle devine comment elle sait. Ça a été créé en 1980, forcément, c'est la PlayStation. 90. T'as triché encore. Putain, même quand. Mais non. Même quand tu joues pas, tu triches. Mais là, vous faites la faute. C'est dingue. Oui, mais Toff, pour le coup, c'est lui le plus con. Parce que même confirme. Quand tu lui donnes les réponses, il les dit il pas. Il avait déjà répondu, t'avais pas fini de me le dire. C'est pas vrai. Bon, ouais, bah, je sais pas. Non, je te jure, j'avais que celle-là. Les autres, je les ai pas. Mais oui, c'est ça. Promis, juré, je les ai pas. En même temps, roule, laisse-nous jouer un peu quand même. C'est vrai. Quand tu reprends les questions qui étaient prévues pour ce sort, qui ont été citées à voix haute, tu mets le roux puisqu'il était pas là. Et moi, perso, je les ai pas entendus. Là. Mais la je dernière... les ai pas. En plus, la dernière de ce soir, il l'avait pas donné, Toff. Il a donné les deux premières. Ouais, mais je les ai pas parce que Pablo, il partait avec la feuille. Ça, c'est malin. Ah bah ouais, mais bon. Bravo. Bah vas-y, fais le dernier, je dis rien. Bon bah c'est Toff et Jack qui vont jouer. Bah et moi. Toi t'as triché, tu non je te jure, non vraiment je te jure, moi je m'en fous, je joue avec personne ce soir. Bah c'est pour toutes les autres fois. Bon Paul tu joues avec Toff et Jimmy tu joues pour la dernière fois avec C'est lui qui était avec Roux. Avec ouais avec Jack du coup. Et c'est la question c'est cette question là qui. Non bah non, c'est une question c'est une question qui vaut un point et on termine. Non, c'est une question qui vaut 3 points. Allez, allez hop. Elle vaut 100 points. Ah oui, c'est une belle question. Attention. Top, je suis né à New Bern en Caroline du Nord, à ne pas confondre avec la Stéphanie du Sud évidemment. C'est pas moi ça. Ouais, pour une fois. J'existe sous plus de 30 formes différentes. Mon nom à l'origine c'était Brads, du nom de mon inventeur Caleb. Car oui, je suis en fait un médicament destiné à soigner les troubles. Jimmy. Top. Le Coca-Cola. Non, Jimmy. Les Saralgans. Non, les troubles digestifs et là, mais ça je veux pas le dire. Une maladie qui provoque des remontées acides et des brûlures. Top. Ouais. Le Pepsi. Pepsi, bonne réponse. Ouais. Et ouais. Bravo Toff. Bonne réponse pour Paul donc. Hein, et qu'est-ce que je disais? J'ai plus j'en étais. C'est quoi moi. Que t'as zappé comme indice? La 10 Pepsi. Ah oui. Voilà, ça aurait te donné, quasiment donné la réponse. Hein. Non, je ne suis pas le Rény parce qu'en fait la version médicament est partie en couille et je suis devenu un produit de consommation tout bête. J'ai été le premier à exister dans une bouteille en plastique. Le premier produit américain à arriver en Russie, quoi. Je crois que c'est moi qui l'ai écrit celle-là. Vas-y, ils ont tous gagné. C'est pire encore là. Bah non, c'est pour la peine, c'est pas Jack qui a trouvé. Il a raté. Ça va. C'est pas Jack qui a trouvé, donc tout va bien. Bon, Paul, c'est gagné, même si ce soir c'était un peu particulier quand même, hein, faut lire ce qui est. Hein. D'ailleurs, c'est un record puisque c'est la première fois qu'on gagne 100 points. Ouais, ouais, à 100 à 0. Ouais, pas mal. C'est pas mal, Paul. Tu tiens un record, bravo à toi. Bon, Paul, allez, salut à toi. Et Jimmy, bah tu rejoues bien évidemment avec nous quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Salut, Jimmy. Allez, à bientôt vous deux, ciao, bye bye. Bon, et si vous voulez jouer aux questions pour une réponse, demain on remet le couvert avec une version normale, hein. Ouais, bah oui, ouais. Il n'y a pas le choix, je confirme. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Roux, tu t'es cru chez toi? Tu l'as dit qu'on avait Roux, des places de foot chez toi. Est-ce que tu t'es cru chez toi? Non, c'est bon, j'ai enlevé mes chaussures. Mickaël, le podcast. Bon, alors du coup, évidemment, on est dans la merde. Pourquoi? Bah, les cacailles de pie, c'était si Paris perdait. Oui, ouais, mais là, c'est match nul. C'est match nul, vas-y, passe-le. Alors, soit tu es bon, soit tu es mauvais. Choisis ta route. Tu es bon, tu es bon. Bah, je suis bon et je vais pas le mettre. Allez, mais. Et on en a d'autres, hein. Ouais, mais les cacailles de pie, moi, j'ai envie de l'écouter. Bah, si tu veux, dans le même style, on a Enrico Lachias. Énergie et Dulcolax présente Enrico Lachias. Oh, le chanteur le chanteur le plus lisse et le plus coulant de sa génération. Ce caleçon pourri, j'ai chié dedans aussi. Laï laï laï laï laï laï laï laï laï laï. Bonjour de tout pays, sentez ce paix, moisi. Prenez ce cadeau et puis pétez aussi. Et sa chanson où il invite tous les pays et toutes les religions à se lâcher chaleureusement. Pété, pété, pété, pété, pété, pété, ah. Pété, pété, pété, pété, pété, un gros caca. Il sera en concert à l'hôpital Velpo à Velpo demain midi et à la maison de retraite Francine à côté de la Napoule. Prendre autoroute A956, direction Plouc-Saint-François. Et là, vous y êtes presque. Enrico Lachias en live, un événement énergie. Voilà, de toute façon, dès que ça parle de caca, ça fait plaisir au roux. Hein, mais donc. Oui, le roux aime ça. Et tout le monde aime ça, remuer la merde. Ouais, vous dansiez, vous, sur Enrico Lachias. C'est vrai. On en a d'autres. Hein. On a quoi encore? Le mouvement emo avait sa musique emblématique. Ça, c'est bon, ça. Juste ça. Ouais, Fireboy. Le emo core. Le mouvement emo avait sa musique pour danser et pour crier sa peine. Le emo R&B. Maintenant, le mouvement emo, pour bien se démarquer, a carrément sa propre maladie. Les emo-roïdes. Soyez un vrai émo et ayez mal au cul. Chopez des hémorroïdes pour devenir un vrai émo. Voilà. Ah. C'est glamour, c'est le meilleur moment. Ouais, c'est ça. Allez, faisons une pause, hein, le temps que je réfléchisse pour les caca de pisse. On parlait des choses. Roux, tu t'es de nouveau cru chez toi? Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des chaussures du roux. Ouais, c'est pour ça que je le dis. On avait donc donné tout à l'heure les chiffres. Sur 1000 femmes, 92% se rappellent de la première paire de chaussures achetées. Et seulement un tiers de ces 1000, justement, se souviennent de la personne à qui elles ont donné leur premier baiser. Ou encore, et pire, 96% d'entre elles auraient confié qu'elles regrettaient une paire qu'elles ont jetée, mais 15% regrettent un ancien petit ami. Et donc on s'est rendu compte avec Sandro qu'elle avait quand même une belle blinde ouais, de pompe. Il y en a pas mal. Ouais. Ah, voilà, c'est ça. Et donc le roux au niveau des chaussures, comment ça se passe en nombre? Pas mal aussi. Je dois avoir une entre 20 et 30 paires de pompes. Ah ouais? Facile. Oh, même ouais. Putain, radin comme t'es, ça m'étonne. Bah si, justement. Parce que il y a des chaussures, c'est du 39, mais je les garde. C'est quand j'étais petit. Mais je garde toutes mes chaussures, moi. J'aime pas les jeter. Je trouve ça idiot de jeter des paires de pompes. Ouais, mais enfin, qu'est-ce qui est le plus idiot? Les garder alors que t'en fais rien ou les jeter? D'idiot de jeter une paire de pompes qui te va plus. En tout cas, oui, de pas la jeter, mais la donner. Ouais, donne-la à quelqu'un. Bah, ouais, va les changer. Bah, t'avais les grandes surfaces, genre Intersport et tout. Ils t'échangent tes pompes. Non, mais quand ils font ce genre de truc, c'est toujours une escroquerie. Hein. Bah oui, mais là, franchement, j'ai des paires de pompes. Ils vont me les changer contre un rouleau de PQ à tout casser. Mais non, mais les pompes que tu mets pas, autant les donner. C'est 10 euros sur ta prochaine paire. Mais jamais de la vie, t'es fou. De quoi? T'es sûr de toi? C'est sentimental. Il te reprenait ton ancienne paire de pompes, il te la reprenait 10 euros. Oui, mais c'est fini. Ouais, ça me parle pas. Ouais, j'ai entendu la pub encore il y a pas longtemps. Bon, peut-être. Mais bah, non, de toute façon, je la donnerai pas. Sors la pub. Bah, le roux va se renseigner. Non, j'ai des vieilles, des Motumbo. Qu'est-ce que c'est alors ça? Alors ça, personne ne se rappellera de ça. Non, on se rappelle des ATMI. Non, j'ai pas eu d'ATMI, c'était des... Bah, je crois que c'est les pauvres qui avaient ça. Moi, j'en ai eu des ATMI. Des Eric Mutombo, je crois que ça, c'est un ancien. Mutombo, Eric Mutombo, oui. Mutombo, c'est des Mutombo. Une paire de AS. Non, c'est pas des AS. Bon. Ah non, c'est un basketteur. C'est un basketteur, ouais, c'est des Nike. Allez, je me souviens, ouais, mais enfin, déjà, avec le nom, si tu veux. Bon, ah bah, on choisit pas son nom. Il était connu, il était connu. Il y a Stéphanie, ouais. On a encore une fille qui veut nous donner son avis par rapport aux pompes, là. Salut, Steph. Bonsoir, tout le monde. Comment ça va? Ça va et vous? Bah oui, ça va. Bon, Steph, alors, combien de paires de pompes à la maison? Bon, je sais pas trop les paires de pompes, non. C'est quoi alors? Et moi, c'est les godes. Les cadavres. Oui, oui, oui, moi j'aime bien les godes et comme ça, je reste là-dessus. Ah, t'as arrêté les godes maintenant, d'accord. Ouais, c'est... Non, moi, je fais collection des boules à neige, là. Tu sais, le truc que retournes. Ah non, mais quelle horreur. Quelle horreur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton enfance ou plus tard qui a fait que tu collectionnes les boules à neige? J'en ai acheté, alors j'ai continué. Ouais, mais enfin, tu sais, ma mère, elle faisait la collection des petits canards quand j'étais petit, ça m'a pas empêché de ne pas continuer. Alors, est-ce moi, que... je préfère les canards vibrants, les canards plus courts, ça m'intéresse. Oui, pas. J'ai compris. Est-ce que tu vas dans les villes juste pour avoir la boule à neige de la ville et pas spécialement pour les vacances en général? Pardon? Est-ce que tu vas dans les villes? C'était longue ma phrase. Est-ce que tu vas dans les villes parfois en vacances et tu te dis, tiens, je vais aller dans cette ville-là juste parce que je sais qu'il y a une boule avec la représentation de la ville avec de la neige? Quand même pas. Non, quand même pas. Mais par contre, au moins, c'est facile parce que tu sais, quand tu pars quelque part et que tu veux ramener un cadeau, bah du coup, tu sais quoi lui ramener tout de suite. Ouais, mais justement. Un truc ringard qui ressemble à rien. C'est le meilleur moyen pour niquer les collections des gens. Ma sœur, elle faisait une collection de dauphins. À force, tout le monde lui offre des dauphins. Ça l'a saoulé, quoi. Et c'est pareil avec ma mère et les canards. Bah c'est okay. Bien, au moins comme ça ils arrêtent ces collections débiles. Non mais tu sais, c'est des petits canards que tu mettais sur les meubles, enfin c'était moche. Non, bon, c'est ridicule à l'époque. Bah oui, mais je trouve qu'à un certain âge, quand tu n'arrêtes pas ta collection, il y a un problème chez toi. Ah, ouais, grave. Il faut aller chercher ce qui va pas. Moi je pense que t'es trop naïf, hein. Ça cache quelque chose les petits canards, Mike. Hein. Ouais. Ah écoute, hein, c'est toujours difficile de dire que sa mère en utilise, mais bon. Petit canard. T'as vu, tu t'as été sympa, tu le laisses aller au match. Ah, j'ai rien dit moi. Non, non mais il y a pas de mal. C'est déjà qui engraine. T'inquiète pas, tout ça c'est tout ça je le retiens. Moi, je oui, mais tu dis mais toujours c'est... ça. Bah avec toi j'oublie jamais. Hein. Ah bah non, moi tu me laisses même pas l'occasion une fois de. Et c'est à cause des canards que toi t'es devenu fan de Picsou ou ça n'a rien à voir? Ah non, ça n'a rien à voir. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir un coffre-fort comme le sien et pouvoir nager dans mes pièces. Oui, mais alors ça c'est un truc, c'est impossible en fait. Bah oui, c'est mal, impossible. Ouais, voilà, pendant des années, je crois, je me dis ah ouais, ça fait quoi et tout. Pendant des années, le roux, il a essayé de, tu sais, il gardait des pièces tout pour pouvoir nager dedans et en fait non. Il s'est jamais dit que c'était pas possible qu'un canard parle et marche et surtout soit riche, que ce soit le canard le plus riche du monde. Ça c'est bon, ça passe. Non, les pièces non, mais ça. Ouais, mais c'est vrai, j'ai essayé avec ma main de rentrer dans les pièces et ça passait pas. Et déjà, franchement, c'est pas mal parce que comme t'as vécu dans un HLM, t'as quand même eu l'occasion de tester avec assez de pièces pour mettre toute ta main dedans. Avec les centimes, ça va. Bah oui. Oui. Est-ce que je peux faire un truc qui énerve bien tout le monde? Alors on va énerver une autre personne là. Bah écoute, essaye toujours, on va voir. Pof, combien me dures-tu? Non mais réponds bien. 1m80. La musique, mais la musique. Ah ouais, bon, enfin bon. Vas-y, continue, vas-y, continue. Vas-y. 1m80. D'accord. Combien pèses-tu? 60. Ça va faire un buzz, ça va faire un buzz. Micha, amène ta règle, on va passer au pénis. Eh ouais, quelle est la taille de ton pénis? Ça dépend à quel moment de la journée. En érection. 18. Ouais, on va dire ça que c'est vrai. Mais c'est vrai, tu peux venir vérifier. Combien mesures-tu toi d'ailleurs? Allez. Non mais moi tu m'as déjà posé la question. Ah, je t'ai déjà mesuré. Voilà. Ah oui, et on s'est pas vu donc tu devais pas être terrible. Non mais de toute façon je ne veux pas te voir. T'as vu la tête que t'as franchement? Oh, arrêtez, ça va. Mais c'est un petit battle, ma foi, fort sympathique. Ouais, mais elle a gagné apparemment. Voilà, c'est ça, oui, effectivement, c'est gagné. Hein. Oui, bah, il dit rien, toi. Non, non, bah, non, je ne dis rien, qu'est-ce que tu as? Il est saoulant à faire ça à chaque fois. Oh. Non, ouais. Moi, c'est pas qu'il le fasse qui est énervant, c'est qu'après, quand il se permet de critiquer les vidéos des filles, oui, alors que quand même, quand t'as la gueule que t'as, tu vas pas te permettre. Quoi. Mais si, justement, c'est clair, pas parce que j'ai cette gueule-là que je sais ce qu'elles ressentent. Mais justement, ouais, bah, alors... On doit pas ressentir que ça. Ouais, ouais. Ouais, je sais bien ce que tu aimerais ressentir, mais bon, je peux pas être partout non, en même temps. Ça va aller, merci. Tout à fait, ouais. Bon, moi, Stéphanie. Je préfère ressentir mon mec, ça va aller. Ouais. Je suis sûr que j'en ai une plus grosse. T'es déjà tapé, toi. Non, je crois pas, non. Alors. Stéphanie, je te fais des gros bisous. Bisous, à bientôt. À bientôt, merci à toi, Steph. Salut. Ciao. Mickaël, le podcast. This is Mal and Matthew, listen to the Polo Show. Ce que vous allez entendre va vous choquer par sa vulgarité, son obscénité. De minuit 12 à minuit 15 à minuit 15 et sur énergie. C'est de l'anti-radio bête et méchant. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Ah, les gens me flattent, les gens me disent que le Polo Show est bien. Certains disent que c'est de la merde. Mais c'est la vie, on peut pas plaire à tout le monde, comme dirait... c'est Fogiel, je crois, c'est ça? C'est ça, merci à mon assistant dans le fond là-bas. Michel est au standard. Il fait un buzz avec les auditeurs, je sais pas ce qu'il fait. Et ça se remplit, mon standard? Michel, ça se remplit? Bon, ça se remplit. On écoute un peu de pub, on se retrouve juste après pour commencer le Polo Show. Qu'est-ce que les hommes ont dans le nez? J'ai des trucs plein le nez, mais pas de pellicule. Évidemment, j'ai le tennis, ma vraie passion. Mais j'ai aussi la cocaïne, et il y a aussi les putes. Mais les pellicules, c'est vraiment pas un problème. Grâce à l'efficacité du Zen & Poppers pour hommes. Grâce à ce shampoing, les pellicules, je les mets de côté. Au cas où je n'ai plus de cocaïne. Et si je n'ai vraiment plus rien, bah il me reste toujours la terre battue. Monsieur Casquet, il est interdit d'effacer les marquages sur le cours. Et moi, qu'est-ce que j'ai dans le nez? Tout sauf des pellicules. Zen & Poppers pour hommes. Hey, how's it going? Bravo. We call Muse. And you're listening to the Pop Show. Alors bravo Paul, on te laisse une chance unique de réaliser une émission sur énergie et toi tu mets des paix à tout va, comme si c'était ça que je t'avais demandé. Paul, regarde-moi quand je te parle. Ça suffit hein, maintenant les paix intempestifs. Bon, le public n'est pas là ce soir, je suis seul, tel un labrador qui doit courir pour gagner à manger. Voilà, je cours. Michel est là, comme un idiot. C'est ça Michel? Bon, il fait pas son boulot, moi j'en ai marre. Qui est là? Allô? Allô? Oui? Oui, Polo? Oui? Oui, je t'appelle par rapport à l'annonce que j'ai passée la semaine dernière. Oui? Donc voilà, j'aimerais trouver un peu plus de boulot parce que je t'avoue que là j'ai fait chaise dans un dernier film français. Ah, c'est le... Oui, alors, est-ce qu'on peut rappeler que tu es le fameux comédien accessoire? Je suis un comédien meuble. Voilà, tu es un comédien meuble, tu sers de table, de chaise, dont... Tu peux nous rappeler un peu ta meublographie? On peut appeler oui, ça une meublographie, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, j'ai commencé par un petit peu d'intérim chez Ikea pour les représentations, enfin voilà, les boutiques. J'ai ensuite fait une apparition dans le film de Claude Chabrol. Attention, parce que c'est du cinéma d'auteur. D'auteur, j'ai oui. Une échelle. D'accord. Ensuite, j'ai continué... Padrouillant de film en film, de chemin en chemin, et j'ai fini par un jour ou l'autre faire quand même des lunettes dans le dernier film de Spielberg. Le meuble. Voilà. Enfin, donc, je vais t'appeler Ikea, c'est mieux comme ça. Non, Polo. Tu veux quoi exactement? Bah déjà, mon nom d'artiste, c'est Johnny. D'accord, tu veux quoi, Johnny? Johnny Chase. Je voudrais donc. Personne n'a compris la vanne, hein. Johnny Chase. Vincent Chase, non, c'est une vanne par rapport à la série Entourage. Non, pas du tout, c'est parce que je suis comédien meuble et donc Chase, c'est pas mal comme... D'accord, bon, qu'est-ce que tu veux, Johnny Chase? Putain, t'as pas inventé le fil à couper le beurre? Je peux jouer le fil à couper le beurre. Bon, qu'est-ce que tu veux, Johnny Chase? Ben, j'essaie de trouver du travail. Bon, bah parfait, l'annonce est passée. Bah, allez, attends, merci. C'est gentil, allez, casse-toi, qui est là? Oui, comment t'es va? C'est qui? Ah oui, tu te rappelles pas de moi? Non, je me rappelle. Non. Oui, non, mais attends, on est des amis quand ça t'arrange, hein? Non, si, parce monsieur... qu'à un moment donné, moi je monsieur veux. Monsieur Zamborombor des... Oui, non, ce n'est pas Zamborombor. Zamborombor, c'est quoi? Non, je n'ai pas coupé le. D'accord? Je veux bien à un moment donné être gentil avec toi, mais je m'appelle Giloui, d'accord? Giloui, j'ai. Ras-le-bol, je peux vous dire qu'on en a ras-le-bol! Eh bien, moi aussi, j'en ai ras-le-bol. Bon, quand monsieur Zamborombor. Zamborombor. Parce que je vais pas te le dire 4 fois. 4 fois ou 400 fois, d'accord? Bon, monsieur Giloui. Je m'appelle Giloui, d'accord? C'est un prénom composé qui vient d'Europe occidentale. Ouais. Voilà. Et donc, je tenais à te dire que j'avais ouvert ma propre entreprise. D'accord. C'est pas facile à dire, entreprise, hein, mais j'ai réussi. Si, regarde, voilà. Entreprise. C'est... Oui, mais toi, tu ne roules pas l'air parce que tu ne viens pas du Maroc. Bon, allez-y, monsieur Zamborombor, oui, vous n'allez pas nous raconter. Je voulais donner l'adresse de mon site. En fait, c'est une petite pub que je me allez-y, c'est cadeau. C'est en la fait, régie c'est, qui vous offre ça, allez. C'est, www.maroc.chipetahatablet.chiprocamastirumbarkanahmek. Et en fait, il y a trois petits points au milieu. Ouais, voilà, normal, hein. il y a un underscore. Un underscore, monsieur Zambon. Un underscore. D'accord, monsieur Zambon. Voilà. Et bon, c'est et bon en alors. Fait, et, voilà, non, en fait, je te donne la fin de mon site, c'est ouais. Oui, Rai Station. Rai Station.chipitrahadlapelette.fr, bien entendu, ou d'accord. Bien sûr, .mr, qui est le cinéma de Dimitri. Et en fait, c'est quoi? C'est le meilleur du rail, en fait. En fait, c'est le meilleur du rail, effectivement. Voilà, je suis chanteur dans les boîtes de nuit, accessoirement. Je fais du rail, on veut dire, on voilà. Merci. Donc, si tu en veux, on voilà. Bon, monsieur Zambon, on va y aller, là. Ça fait deux minutes que vous êtes là, là. Au revoir. Voilà, non, mais si, comme tu veux. Donc, au revoir. Je rappelle mon site, chipetrahadlapelette.gilouis.railstation.fr ou .mr si tu viens du Maroc. C'est gratuit. Merci, au revoir, Gilouis. Écoute, voilà, je... Bon, allez, casse-toi. Oh là là, il va pas me casser les couilles pendant 107 ans. Qui est là? Oui, bonjour, Claude. Bonjour. Je suis Francis Weber, célèbre réalisateur du cinéma français. Oui, monsieur Weber. J'appelle parce qu'on m'a dit qu'on pouvait passer des petites annonces dans ton émission. Donc, non, c'est voilà. Pas... Ah là là, monsieur Weber, ce n'est pas une émission de petites annonces. Hein. Écoutez, j'ai entendu il y a 5 minutes quelqu'un qui passait une petite annonce pour un emploi. Oui, mais ça c'est parce que c'est un ami, c'est Monsieur Lachaise, Johnny Chase. Alors vous ne prenez que des amis à vous sur cette antenne. Non, vous non. Savez que je suis Francis Weber, célèbre réalisateur de cinéma français. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Weber? Alors, je voudrais passer une petite annonce puisque je recherche un comédien. Mm-hmm. Je recherche un comédien. Mais j'ai un comédien pour vous l'écouter un peu. Oui. Ah, tu as failli. Voilà, il est bon, non? Non, parce que moi je ne veux que des comédiens qui ne parlent pas du tout. Hein. Je cherche un comédien accessoire, voyez-vous. D'accord. C'est pour mon prochain film, Un siège pour deux. Et je cherche un comédien qui sache faire le tabouret. D'accord. En sachant que les deux personnages principaux seront Valérie Damido et Laurence Boccolini. Voilà, donc il faut que ce soit un comédien qui sache supporter du poing, quand même. D'accord, monsieur Weber, voilà. Merci, au revoir. Que ce soit du lourd, hein, d'accord. Je cherche du lourd. Merci, au revoir. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et le dernier auditeur de ce Polo Show, qui est là? Thomas? Ouais. Maintenant. Thomas, rappelle-nous ton âge. 14 ans. Tous les soirs, tu viens me prendre la tête. Tu m'écoutes, Polo. Non, attends, tu vas pas me donner des ordres, espèce de petit con. Va. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Écoute-moi d'abord. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Tu m'écoutes, Polo. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Ouais, mais maintenant, tu m'écoutes. Non, est-ce que tu as fait tes devoirs? Je viens de te dire que oui. Bon, c'était quoi le sujet de tes devoirs aujourd'hui? C'était de la géographie. Bon, c'était quoi? Les foyers de peuplement. Alors, rappelle-moi un peu ce que sont que les foyers de peuplement. Là où il y a la plus forte... Sans parler d'immigration, s'il te plaît, c'est un sujet que je n'aime pas. Vas-y, Thomas, oh là là. Là où il y a les plus fortes densités de population. Ouais. Et il y en a 6 sur Terre. D'accord, et c'est où? 4 en Asie de l'Est et 1 en Amérique et 1 en Europe. Parfait, t'as mangé? Oui. Quoi? Des épinards, t'as tout mangé? Oh, il en reste juste. Eh bah, tu vas me finir tout ça et tu reviens demain. Allez, casse-toi. Voilà, ça s'achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux, tous les soirs. Je suis dernier. Monsieur, elle n'était pas là ou ce soir. Je sais pas ce qui lui arrive. Il a quelques petits problèmes à la banque. Est-ce qu'il a la diarrhée? Non, quelques petits problèmes de banque. Est-ce qu'il a un problème de cheveux? Non, de banque, je viens de le dire. Est-ce qu'il a un problème de carte bancaire? Voilà. D'accord. Et de téléphone accessoirement. Bon. Passez une bonne nuit, tout le monde. Et jamais eu autant de monde dans ce studio, Polo. Alors, ah bah ouais, mais ça, c'est, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le stagiaire. Ça, c'est Micha. Ça, c'est Roux. Bah, y a tout le monde, quoi. Ça fait plaisir d'être venu. Ah ouais, c'est ça pour une fois. Hein. C'est pas mal. Bon, on se retrouve demain, nous, à partir de 21h, comme d'habitude. Et puis, Toff, il est pas là, il est parti faire buzzer. Ouais, c'est ça. Je pense, ouais. À mon avis. Il est parti buzzer une auditrice. Ouais, je crois. Ouais, il est parti buzzer une auditrice, quoi. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.